100% rap français, planète rap. La Nocturne. Et c'est parti pour La Nocturne, juste après Difool, 100% rap français. Nocturne bouillante avec Monsieur Espy qui est là. Ah, c'est ça même. Jester and Gentleman. Jester and Gentleman, premier album. Voilà, enfin, Fredo, j'ai envie de te dire. Ça y est, il est là. Ça y est, il est là depuis une semaine. Il est arrivé, ouais, depuis une semaine. Ouais, depuis une semaine. Depuis une semaine, même pile poil. Et voilà, pour l'instant, que des bons retours. Voilà, les gens sont plutôt satisfaits du travail. Et on le défend au max. Voilà. Et je le disais, donc, actu bouillante, puisqu'il y a non seulement la sortie. Ouais. Tu vas repartir sur la route avec Youssoufa. Ouais, je repars sur la route avec Youssoufa. Ça y est, c'est le coup d'envoi avec un Zénith, notamment le 10. Ouais, le 10 novembre, exactement, un Zénith. Et puis nous, de notre côté, on est en train de caler une date parisienne là pour aller défendre tous ceux qui ont soutenu la sortie de l'album Jester and Gentleman. Bon, Jester and Gentleman, c'est quoi? C'est toi? C'est une partie de toi? Il y a des morceaux intimes? Ouais, il y a des voilà. Morceaux plus égotrip comme tu aimes les faire aussi? Exactement, c'est voilà, exactement. Comme j'aime les faire, c'est en fait un mix entre le rappeur et l'homme, tu vois. Le rappeur, c'est le Jester que tu connais si bien. C'est celui qui aime gester. C'est celui qui aime gester, comme tu dis. Et Gentleman, voilà, c'est des morceaux sur lesquels on m'a rarement entendu. À savoir des morceaux un peu plus intimes où je me dévoile un peu plus, tu vois, ce que j'ai pas trop eu l'habitude de faire jusqu'à maintenant. C'était un exercice compliqué ou pas? Ouais, c'était vachement compliqué. Mais après, voilà, je me suis prêté à l'exercice, j'ai laissé les émotions parler, ça a donné ce que ça a donné, des morceaux forts que les gens ont pas mal retenu, donc ça fait plaisir. Bon, on va pouvoir découvrir tout ça, le tout mixé par DJ Stretch. DJ Stretch chose qui est là. Qui est là. On va saluer aussi l'équipe qui t'accompagne, qu'on retrouvera tout à l'heure. Il y aura un petit freestyle? Ouais, il y aura un live et du freestyle, bien sûr. On va brûler les micros, comme d'hab, tu connais. Et bah, coup d'envoi, on attaque. Qu'est-ce qu'on fait? On part directement sur Jester and Gentleman. Ouais, on part sur GNG, ouais, on va partir sur Sans les mains. Hein, on va se lancer sans les mains. Et ben, je te laisse ambiancer la nocturne. Coup d'envoi de cette nocturne. Sans les mains. Espy. Yeah. Nya. Nya. Ice. Ice. Premier album. Jester and Gentleman. Bien. Alors. Crimé. Sans les mains. Dégage, on vient t'allumer. Y'a du crack dans leur calumet. Fils de putain, v'là le ice. Quand je passe, saluer. Fini l'époque des gommes cognes. J'ai des soldats jusqu'aux dames. On vient les soulever à l'eau. Alors pute, ils se cramponnent. Coup de boule dans les couilles à Bouddha. Ils font les salopes, font des feats ensemble et se bouda. J'ai le bling bling à Barracuda. J'coupe ma vodka au maracuja. J'suis pas la coqueluche de YouTube, ni le buzz de la Men's. Désolé les mecs, je ne joue plus. Allez demander à vos femmes ce que c'est qu'une vraie tlut. Zéo dans la mallette, j'soulève pas les palettes. J'tire au MK, ils ont rangé leur arbalète. Y'a des bonobos à ce qui paraît. Pareil qu'au lieu de casser ton tête, t'as fait la danseuse de ballet. Allez, ils font tous de la peine gros. Ils parlent tous de bendo. Mais à 4 tu mates dans leur propre check. Ils se font domso avec un bandeau. Allez, j'suis toujours au mur. J'suis en accord avec mes négros de la hure. Nique le showbiz, me fais pas la bise. On y est, c'est pour bien bibi de la pure. On sort des favelas, on veut le gros casse. Le game devenir un hôtel de base. Sans les mains. On jette ta putain de zone de turbulence. Sans les mains. 2,40 sur la zone hey. Sans les mains. Va pécho, Jester and Gentleman. Dispo depuis le 16 octobre, la famille. Sans les mains. Sans les mains. Dicasse à Climax, OVNI, Colvé. Bien vu les mecs. Nya. Sans les mains. Que t'es dans le cas vu d'une major. Pour une playlist tu le ferais. Moi je suis un tolard, je traînais ma carcasse dans les promenades de frais. J'sors la tête de l'étho, je couche tard le veto. Crève avec tes albums, la putain de ta fréco. J'suis venu pour mes dos, j'suis pas venu pécho. Sur ta tête ma siroc amaretto. Bayan que botte les mains. Bangumba boningisa. J'ai sorti mon brushing. Hiroshima dans sa terma. Bas les couilles du muggy. J'veux la red card et les éditions de muggy. J'vois qu'ils veulent la reggae. T'inquiète on va la faire et j'm'arrêterai. Même si j'ai fait mon mili. J'sors mon 9 mili. Refrais tête de mon fils que je l'ai maudit. La laine sans la revient, non j'ai rien de mimi. J'suis refait, demande à Bibi, on est trop mauvais. On le baisse de midi jusqu'à midi. Pour mes négros de la Zamba, on a fait des 100 pas. Tes carottes on les sent pas. On sort des favelas, on veut le gros cas. Sans les mains, sans les mains. J'souffle le game, devenir un hôtel de bar. Sans les mains, sans les mains. On gère ta putain de zone de turbulence. Sans les mains, sans les mains. 2,40 sur la bande d'arrêt d'urgence. Sans les mains, sans les mains. On sort des favelas, on veut le gros cas. Sans les mains, sans les mains. J'souffle le game, devenir un hôtel de bar. Sans les mains, sans les mains. On gère ta putain de zone de turbulence. Sans les mains, sans les mains. Sans les mains. 2,40 sur la zone d'arrêt d'urgence. Hey, GNG, toujours disponible, sorti depuis le 16 octobre. Va chercher cette affaire là, la famille. Jester and Gentleman, premier album. SP, sourire Joker. Insiste, Bloco. Tu m'as reconnu, mon pédigré a triplé de volume, je suis un chien. Je t'allumerai toi et ta greluche. Nya, fuck, la galanterie m'en bat les reins. Ro, il en fallait un, fais pas trop le tonton. Détends-toi petite tarlouse, j'appuierai sur le bouton. Teaser de bourbon, viseur de fourgon. Nous l'herbe, on la fume, tu la broutes, petit mouton. Nya, certi par bâtard, je l'armais direct. Demande à RC si on n'a pas déjà tiré. La tôle, l'argent sale, ça nous connaît. Chacal du Tchex, mental de gros bonnet. Ok, Nakata Lai. On repart sans les payer. Dans leur son des racailles. Mon appart est des PD. Ils grognent, je les ai flairés. Refuse de tempérer. Destin tragique, corps voie ferrée. 762 ceinture franco-ferrée. Si tu me dois des euros et que je viens les récupérer. J'sors d'un coup fourré, Paris by night. Y'a cette pute qui m'attend au Hilton. Ton tarpé pèse au moins 1000 tonnes. Pas de question si tu veux pas, j'te mitonne. J'aurais pu perdre la vie, j'y pense devant mon père et les signes. J'en ai plus rien à foutre, ma chérie, courez pas dire à mes ennemis. Ils parlent, ils ont pas idée. Sans le pas, tu vas pas tirer. Je les attends, mais ils fuient à la main. Verre de Jack sur ma gueule, le sourire. Joker, Joker, Joker, Joker, Joker, Joker. Sur ma gueule, le sourire. Joker. J'ai commis trop de délits. Du sale j'en ai trop fait. Instinct de survie. Je ne veux pas de vos trophées. On les traîne par le chignon. Ils ne traînent que des dossiers. On ne cherche que le million. Eux ne cherchent que les vues. Sperme dans le gosier. Je vais pas m'égosiller, papa. Regarde ce que ton fiston est devenu. Malin comme un singe, rouge à lèvres sur le linge. Ex-détenu qui ne cherche que les revenus. L'adolescence sur des parkings, à détailler des plaquettes. Dans le cervelet, le low-key, à la recherche de la Pit King et pas celle de la tapette. Zéro point sur le permis. Connais, Jack, Red Cup, ma sœur, je suis chiré. Carrosserie carbone, siège cuir, Farc Zénon, 3 litres 2, je pars en viré. Toc, toc, toc, canon sur l'œil con. Shoot dans la porte, il raconte que des cracks. Pop, pop, pop, tout le monde est par terre. Ils ne servent que de la trappe, je ne dissère que de la frappe. Ok. Combien de fois j'aurais pu perdre la vie. J'y pense devant mon père et les signes. J'en ai plus rien à foutre, ma chérie. Courez pas le dire à mes ennemis. Ils parlent, ils ont pas idée. Sors le pas, tu vas pas tirer. Je les attendrai, j'y fus à la main. Verre de Jack sur ma gueule, le sourire. Joker, Joker, Joker. Dispo depuis le 16 octobre, Joker, premier album SP. Joker, Joker, Chester and Gentleman. Joker, yeah. Joker, Joker. Tous en place, on partait de zéro. Même enfermé dans une classe. Black Brut, Brutinho. Tu veux pour mes frères. Je suis pas pris parolier. Tu nous parles, c'est en lien. On est ensemble, la famille. Envoie les dinero. Tu vois pas que le temps passe. Arrête ton numéro. Oh, Ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Même si tu sais, méfie-toi. C'est parce que tu me crois. Ce sont tous tes mythos. Salam alaikum, shalom, salut. Yes, la première salope qui manque de respect, je l'allume. Je suis venu qu'à couler, en jaillet, en featuring avec Ice et l'un des fils de ta poulée. Belle, une bastos peut en cacher une autre. Je tirais juste en l'air. Pourquoi tu tues dessus? Maintenant nettoie les traces de feu sur ta culotte. Je constate qu'il n'y a plus de règles, rien ne va plus. Depuis qu'on idolâtre d'anciens matons, ils se disent point lourd, mais ce ne sont que des poids plumes. Les Kaira du rap game sont d'anciens chatons. Ils ne miaulent même pas dans les temps, ces putains de chats domestiques. Flow, sale, berk, ow. Passe à la maison, je te file un flacon de savon, laissez-vous. Je vois tous mes propres ailes. Comme l'aigle des Açores, pas honnête à elle. J'ai brisé mes propres chaînes. Je suis pas ce maître plus tant d'être un esclave. Ils étaient tous en place. On partait de zéro. Même enfermé dans le sas. J'tuerais pour mes frères. Si tu nous passais en liasse. Envoie les dinero. Monsieur X, tu vois pas que le temps passe. Viva, le D, arrête ton numéro. Bien bon. Toleka, toleka, ah. Toleka, toleka, ah. On a quadrillé le rinté. On arrive dur sur l'homme. J'ai gagné les batailles, Black Cesare. J'ai la vue sur propre. Dans le double Red Cup. Grenada pur jus propre. Ils ont pris dans le rectum pour des petites sommes, c'est sûr. Doucement, le bail est prêt, ils me demandent tous Ice, où t'étais tout ce temps. Je vois la fille couleur Campton sous mes verres, fumée rouge sang. Gesteur de malade, gentleman la parade. T'attends pas à me voir au hit parade. Si peut-être avec mes loups de malade. N'écoute pas les rappeurs, ils te racontent que des salades. Brutinho, Namonio, prime son saucet. On fera bouger les foules avec ce banger en concert. Ok, ta femme, je m'en vais croquer. Elle reste choquée, elle a le ok. Je les envoie hors du ring. Je mets la barre haute, Yao Ming. Pure moi, Nambo, Kanako, Fing. GNG dans le building, ma parole est co-yinda. Ils étaient tous en place. C'est cool, maniaque, cru. On partait de zéro. Checky, je vous vois les frères. Mais dans le sas, je tuerais pour mes frères. Tu nous passais en liasse. Envoie les dinero. Tu vois pas que le temps passe. Arrête ton numéro. Toleka, toleka. PHLO. Toleka, toleka. El Asana. Toleka, toleka. Toleka, toleka. Toleka, toleka. Toleka, toleka. Toleka, toleka. Primes parolier. C'est la bonne, les rageux sont ligotés. Quatrième album, disque d'or, toujours coté. Bana Mikili, Bana Lububashi, Bana Kin, danser le moutouachi, Bana Brazzaville, beauté. J'trouve plus le sommeil, colère de calibre. Même l'amour se monnaie, bordel de tarif. Lingala commerce, les condés nous reconnaissent. Apologie congolaise, ha, Norbert de Paris. Taboulet, descendant, j'ai un million de refrais. J'perce en indépendant, du coup, je les effraie. Éteignez vos klaxons, j'suis pas un mauvais garçon. Donc remets-nous des glaçons, enfoiré de Jeffrey. La rue fait mes bacs, je la pour une choriste. Je suis loin d'être un bras vu les fautes que j'ai commises. L'homme sur la tête pousse un cri de panthère. Je serai king d'Angleterre. Buffet TV comics. On veut encore innover ton rap en face critique. On fait encore des lovés avec des sales gimmicks. 10 ans de concert, poteau pendant ton sommeil. On faisait déjà de l'oseille avec le frérot Ice Creamy. Ambition énorme, Rastafari dans la dégaine. Si le rap est mort, j'irai cartonner en reggae. Poteau, je te blesse à peine. Baisse la fête. Baisse la tête. Mais pourquoi tu bégais? Rap français m'échappe quand il jacque, il se ficha. Les MC sont des chats, sont des snaps, chats en chucha. Le game est renversé, puissant est le versé. Nous on est controversé comme le Twitter à Ticha. J'rappe révolution, mon album une aubaine. Cherchais des solutions mais j'ai trouvé des problèmes. Stopper les débats, si j'étais des Pays-Bas, je serais Gullit au départ. SP dans la peau de Robin. Tu nous reconnais, c'est la guerre comme à Gaza. Ça c'est pour mes Congolais, Kinshasa et Brazza. P-H-I-L-O, guess, le pirate, coco bien bon, black, brut, Charles, Tabouke, black et Nassar. Kinshasa Karma, c'est la frappe locale. Pendant le carnage, moi je reste focal. vocale. Coupable, je plaide, dis le rap français tête. Moi, je suis déjà au bled, parle à ma boîte vocale. Team. Ils étaient tous en place. Vous êtes bien sur la musique. Je suis pas disponible pour le moment. ISF Records. Et j'ai arrêté la radio. Laissez-moi votre premier album, Jester and Gentleman, dispo depuis le 16. La famille va te chercher. Je ne vous rappellerai pas. Tu vois pas que le temps passe. Arrête ton numéro. Toleka, Toleka, ah. Toleka, Toleka, ah. Toleka, Toleka, ah. Toleka, Toleka, ah. Dédicace à tous ceux qui sont présents dans les studios aujourd'hui. Il y aura une grosse session live, de toute façon, t'inquiète même pas. Toleka, Toleka. Toleka, Toleka. C'est La Nocturne et c'est SP au contrôle de La Nocturne. Ce lui-même morceau qui s'appelle Toleka. Hein. Toleka, exactement. Qu'on peut traduire. Et qu'on peut traduire, ça veut dire allons-y, on démarre, c'est parti. C'est parti. Let's go. Let's go. Andiamo. Andiamo. Comme tu le sens. Mais, bye, bye, bye. Bah, Jester. Toi, t'es plus du côté Jester que du côté gentleman. Non, je suis un Jester gentleman. C'est ça. Voilà, il n'y a pas à choisir. C'est ça. Donc, c'est un morceau sur lequel on peut retrouver Black Brut. Ouais. Voilà, qui est mon gars sûr, et Youssoupha. Et Youssoupha. Exactement. Ouais. Avec qui tu vas repartir en tournée. Repartir en tournée, ouais, exactement. Ouais. Pour c'est bien, t'as toujours autant de plaisir ou pas? Ouais, ouais, carrément, hein, carrément. T'as vu, c'est une nouvelle configuration, c'est un nouveau show, il y a des nouveaux morceaux, c'est un nouveau type de public. Donc voilà, ça fait toujours plaisir, tu vois. Bon, et puis toi, ton aventure aussi, hein, parce qu'il y a maintenant, depuis une semaine, ce premier album, voilà. Même s'il y avait eu quelques. Ouais, il y a eu quelques projets qui étaient sortis. Projets qui sont sortis. Avant, ouais. Mais là, tu considères vraiment, ouais, c'est le premier album. Ouais, c'est le premier album d'Espy, ouais, le premier album vraiment, voilà. Sérieux et tout. Finalement, ça a été long quand même. Ça a été long. Bah, j'ai travaillé le terrain, Fredo. De toute façon, tu m'as vu au fil des années, toi. Je t'ai vu. On se voyait assez souvent. Donc voilà, c'était plus pour préparer le terrain, pour voilà, acquérir un peu une maturité artistique aussi, histoire de pas trop non plus raconter n'importe quoi et faire la différence entre une mixtape et un album. Tu vois, tu racontes pas les mêmes choses sur une mixtape que sur un album. Mixtape, c'est quoi pour toi? Plus voilà. Ego trip. Ouais, plus... Ego trip, c'est un condensé de morceaux où voilà, tu dis un petit peu ce que tu ressens sur le moment. Tu t'en fous un peu. Il y a pas trop de réel artistique. Il y a pas trop de travail approfondi. Tu vois. Alors qu'un album, c'est différent. Un album, c'est une grosse pièce de travail. Pour moi, perso. Après, chacun le voit comme il le sent. Mais moi, perso, c'est une pièce de travail. Et je suis vraiment satisfait d'avoir livré un album comme ça. Tu vois. Ça a été combien de temps d'ailleurs de boulot dessus? Mon frère, putain, ça se compte en années. Hein. Je vais pas te mentir. Il y a des morceaux, tu te souviens avoir écrit il y a longtemps? Non, en fait, si tu veux, j'ai fait pas mal de nettoyage au fil du temps, tu vois. Mais il y avait des morceaux qui étaient prévus dessus à la base que j'ai enlevé. Airlines, ça fait longtemps. Airlines, c'est le seul morceau peut-être qui date un peu. Mais voilà, mais pourquoi? Parce que voilà, je l'ai commencé en fin 2012. Et t'as vu, comme tu le sais, en 2012, il y a eu une grosse tournée avec Yous. Ouais. Tu vois, où. Qui vous emmenait partout dans le monde entier. Exactement, monde entier, avec un Olympia, un Zénith la même année. Enfin, tu sais, c'était un peu truc. Donc voilà, c'était pas facile à accorder un petit peu les violons au niveau travail et ça nous a tous eu dans l'équipe en vrai de vrai. Donc voilà, donc ensuite j'aurais pu me mettre sur l'album, mais j'ai préféré sortir un projet intermédiaire qui était les chroniques d'un GNG, tu vois, pour mieux préparer le terrain. Et à l'issue de ça, ben voilà, à l'issue de ça, je me suis vraiment mis sur l'album. Donc là, on est, je sais pas, fin 2013, un truc comme ça. Donc je me suis vraiment mis sur l'album et ça a été tout seul après. Et puis là, ça a glissé jusque cette année 2015. Cette année 2015, voilà, 16 octobre. 16 octobre, la sortie, ça y est, depuis une semaine. Exactement. Et on va repartir sur une nouvelle session. Ouais. Après, pour tous ceux qui veulent des infos sur SPI ou quoi, il y a le Facebook, le Twitter @icecriminel, l'Instagram spi.officiel, le site icecriminel.com. Et pour ceux qui veulent des t-shirts et des CD dédicacés, ça se passe sur Jest Live. .com. Bah là, je crois qu'on est refait, on sait tout là. Ouais, très bien, bon. Voilà. Bon, on le redira aussi tout à l'heure, il y aura du live aussi. Exactement, il y aura du live, il y a pas mal d'invités, de toute façon, on aura le temps de les présenter après tranquillement et tout. Dans un instant. Pépère. Allez, c'est reparti, stretch. Nya. Grosse dédicace à mon gars Leftu, qui m'a signé un refrain de bâtard. Hein, mon gars? Bien. Hein, ouais, toujours à gauche. J'ai changé pour mille et une raisons. Je n'ai plus le même statut à la maison. Ma mif me voit comme un sauveur aux airs héroïques. Comme moi je me vois comme un égocentrique égoïste. J'ai changé car je prends de l'âge. Passer un cap, c'est nourrir les tiens, faire le lâche. Parents responsables, les pères volages. Mes cœurs, les battements de cœur de mon fils deviennent mon pacemaker. Et j'en oublie que j'ai droit à l'erreur. Le rap ma passion, j'en ai souvent des aigreurs. Fiston ne l'oublie pas, l'être humain est sans pitié. Rare que tu reçoives en retour même quand c'est mérité. Ma part de faute t'as hérité, pardon. J'écris ça, t'es sur mon torse, canapé du salon. Grosse dédicace aussi à l'Irisaï. Merci pour le clip, frère, t'es le meilleur. T'es un génie, mais ne pas tout foutre en l'air. J'ai changé, j'ai changé. J'ai changé. Laisse le passé s'effacer, j'ai assez rêvassé. Je change, je change, je change. Et j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé. Merci à tous mes gars de la Guyane aussi. Merci pour l'accueil, les frères. J'ai changé car les amis changent. Ta réussite les rend étranges. Et quand tu manges mieux qu'eux, ils se vengent. Un ex-partenaire de galère qui s'en sort, ça dérange. J'ai changé car les années passent. On se voit de moins en moins. On ne se check que de loin. Hier j'étais le frère de sang. Aujourd'hui je suis une chouin. Je te vois ton venin quand tu viens me serrer la main. J'ai changé, oui j'ai changé. Car la tête a changé. Le hall a changé. Je les voyais pas quand le frigo sentait le Sahara. Et avec ma rage et ma foi qui me disait ça ira. Regarde-les bien quand ils rentrent. C'est le big check. L'œil sur l'entourage. Et je te parle pas de Vince Chase. Trahison intense. Le juge m'a mis mille peines. Donc seul je tue le temps comme si je tirais sur Big Ben. Et j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé, je change. Laisse le passé s'effacer, j'ai assez rêvassé, je change, je change, je change. Et j'ai changé. La vie a fait que j'ai dû changer. Laisse le passé s'effacer, j'ai assez rêvassé, je change. J'ai changé, mais je suis toujours SP. Et puis j'aime trop le peur pour me travestir. Je prends du buzz, les fans attendent mes disques. À une échelle internationale, on a Prince. Le public plébiscite, le game ouvre ses portes. Le succès se rapproche et veut devenir ton pote. Hop, propulsé au premier rang des charts. Mais où sont tes gars censés être montés avec Watt? Il est où ton sauce, celui du premier jour, qui pour toi était prêt à tout pour ta gloire voir le jour? Le matériel, c'est superficiel, ça rend étrange. Retiens que c'est toujours ceux qui disent que t'as changé qui changent. Bien sûr que j'ai changé, je me suis rangé. Laissez-moi manger, si ça foire j'ai pas de plan B. Plus j'avance et plus je sais qui me suit. Plus les pages de ma vie se tournent et plus je sais qui je suis. Twista, je te vois, frérot. J'ai changé. GNG dispo depuis le 16 octobre. Laisse le passé, c'est allez chercher ce projet, vous serez pas déçus. J'ai changé. La vie a fait que j'ai dû changer. DJ Stretch aux manettes. Jester and Gentleman, dispo depuis le 16, premier album, SP. Nya, burn up, burn up, burn up. Merci à tous ceux qui soutiennent, qui envoient des messages, ça fait plaisir. Hey Ruben Roberto, je vous vois l'équipe tonton d'eau, bien bon. Bye bye. Chimpi, nya nya, à Guyana. Explique ta lâche, on gère le rinté. Papa c'est mon frère, ils sont tous rincés. J'entends déjà leur chicot grincer. Moi je rêve pas, pas besoin de me pincer. Pour mes gesteurs de Mardi Nina, je vais péter le son dans le dernier Bima. Oh. Chante champagne à flow, rap dancehall en mode Zim Zima. Ah South Capella, c'est pas les bails. What's up, j'suis un fêlé, j'sors de l'asile. Fonceau magique, double red cop. T'as reconnu le flow et le style. Ils prennent le seum non chiller. Que des punchlines de killer. Classic shit, thriller. Bop bop bop, tu sais ti. Selecta, pull up. Tu connais le dilemme. En live and direct, c'est plus Magic System. Mais mashup system. Bop bop bop, tu sais ti. S to the P, j'ai la patate de viking. J'vois les haineux, mais laisse ça, c'est des victimes. J'bosse sur pour avoir la baraque ta fikine. Tous ma master de hausse. Karim comique 3D Taipa Ludo RCE bien bon Lefty Sidi Moha Flas très bien bon Lirisa et merci encore pour ce clip de bâtard. T'es vraiment le meilleur frère. Son dans le pick-up, sache que nous on joue pas à pick-up. Galage pick-up, 972, est-ce le fil, 94 pick-up. J'coule avec un gros son dans le pick-up, sache que nous on joue pas à pick-up. Galage pick-up, 972, est-ce le fil, 94 pick-up. Pick-up. Dédicace à mes vrais soldats qui restent vrais dans cette industrie, frère. Les vrais bonhommes. try woo, them a try woo, them a try give a test me, you panic on army. I say your next one, ah, six flop prod. 3D ou D3 comme tu veux. Y'en a 10 000 comptes qui bêtent la famille. Encore ma chère dans toute cartel. Cigario dans la gueule. Gucci, Will Badman, pas qu'à confesse. Alors c'est pas cache complexe. Y'en a très bien fait, c'est comme bla bla bla. Mais y'a pas qu'à tant pièce. Premier album, c'est un cas, dispo depuis le 16. Jester and Gentleman. Ça se passe en direct de la nocturne, frérot. Eh frère, merci pour l'invite, frère. On est ensemble. Eh Loïc, je te vois, mon frère. Cinco. Bienvenue à Nathan, numéro 6. On est des vrais bonhommes ici, frère. Y'a pas de gars bizarres. Pas de salopes, pas de pantin. Que des vrais bonhommes, ma gueule. Eh oui, 9-4, Alouette, zou. Bien bon. Celle-là, elle est pour mon papou, elle est pour mon fiston. Papa, il t'aime très, très, très, très fort, fils. T'inquiète, dans quelques années, quand t'écouteras ce morceau, tu verras que ton daron, c'était un vrai gars. Bien bon. Je t'aime, mon fils. Moi. Je vis sur le fil, je ne suis pas tranquille. Laisse-moi en délire, tout est lendemain. Tant que je serai en vie, je serai là pour toi, mon fils. Laisse-moi en délire, tout est lendemain. Je vis sur le fil, je ne suis pas tranquille. Laisse-moi en délire, tout est lendemain. Tant que je serai en vie, je serai là pour toi, mon fils. Laisse-moi en délire, tout est lendemain. Laisse-moi embellir tes lendemains. Laisse-moi porter ton avenir, fils de mes deux mains. Laisse-moi t'éviter de refaire les erreurs de ton père. J'ai dû me faire très tôt, sans trop de repères, mon fils. T'as recadré mon trajet. Ta mère a mis au monde ma raison de changer, d'enjamber mes barrières. Sois sans crainte, papou, je ferai de toi un homme de la meilleure des manières. Papa mène la thug life, oui. Mais pour ton bonheur, je ne me couche qu'à des heures tardives. Tu seras une version de moi en meilleur. Je me vois à travers toi, j'ai plus droit à l'erreur. Je vis sur le fil, je ne suis pas tranquille. Laisse-moi en délire, tout est lendemain. Tant que je serai en vie, je serai là pour toi, mon fils. Laisse-moi en délire, tout est lendemain. Je vis sur le fil, je ne suis pas tranquille. Laisse-moi en délire, tout est lendemain. Tant que je serai en vie, je serai là pour toi, mon fils. Laisse-moi en délire, tout est lendemain. Ne te laisse jamais faire, marche fort et fier. N'écoute pas ceux qui te diront que les larmes c'est pour les faibles. N'oublie pas que ce qui est cher, un jour tu finis par le perdre. Que tout se paye et respecte ta mère. Elle et moi, on s'est quitté, mais sans perdre la raison. Et c'est pour toi qu'on réussit notre séparation. Quand je te regarde, je me dis que Dieu soit loué. Ma peine, je te quitte, j'en ai déjà la gorge nouée. Je vis sur le fil, je ne suis pas tranquille. Je te laisse une trace indélébile sur mon disque, mon fils. Souvent celui que je vois dans le miroir, je le hais, mais grâce à toi, je peux me regarder droit dans les yeux. Je vis sur le fil, je ne suis pas tranquille. Laisse-moi en délire, tout est lendemain. Tant que je serai en vie, je serai là pour toi, mon fils. Laisse-moi en délire, tout est lendemain. Je vis sur le fil, je ne suis pas tranquille. Laisse-moi en délire, tout est lendemain. Tant que je serai en vie, je serai là pour toi, mon fils. Laisse-moi en délire, tout est lendemain. Tu ne seras jamais seul, papou. Tu seras jamais seul, tu ne seras jamais seul. Dis-moi ça, papou. Tu seras jamais seul, mon fiston. Tu seras jamais seul. Papa, il t'aime très, très, très, très fort. Tu seras jamais seul, tu ne seras. Tu seras jamais seul. Je vis sur le fil, je ne suis pas tranquille. Laisse-moi en délire, tout est lendemain. Tant que je serai en vie, je serai là pour toi, mon fils. Laisse-moi en délire, tout est lendemain. Je vis sur le fil, je ne suis pas tranquille. Dédicace à Zayan, Super Z, Inès, Louise, Mathis, Nathan qui vient d'arriver. Très bien, bon. Tout est lendemain. Cathy. Laisse-moi en délire, tout est lendemain. Tu ne seras. Laisse-moi en venir, tout est lent. Malik, Layana, bien bon. La Nocturne avec SP au contrôle de La Nocturne, 100% rap français, Jester et Gentleman avec des morceaux, voilà, touchants, c'est ce qu'on disait en début d'émission. Carrément, tu vois, c'est le genre de morceaux qui m'ont... Ça a fait que j'ai mis un peu de temps parce que tu sais, tu sors pas ce genre de morceaux facilement, tu vois. Ah, je pense que c'est les plus durs à écrire. Ah, c'est les plus durs à écrire. Après, celui-là, j'ai mis 6 mois à l'écrire. Ah, c'est vrai, t'as raturé des trucs, tu l'as refait. Ouais, grave, j'ai maquetté des trucs, j'ai effacé, j'ai raturé, j'ai changé de prod et tout. Mais bon, je suis content du résultat. Voilà, en plus, il est pour le fiston. Voilà, c'est ce que je disais, c'est un morceau pour. Parce que derrière le rappeur, derrière le Jester et Gentleman, se cache un daron. Bah, complètement. Se cache un daron qui est là, qui assume. Donc, dédicace à tous les papas qui fuient pas les responsabilités et qui assument leurs enfants. SP avec nous. Ouais. Ce soir, il est dans La Nocturne. Il a pris le contrôle de La Nocturne dans un instant. Il y aura du live. Il y a donc le projet qui est dans les bacs depuis une semaine. On peut le trouver. On peut le trouver dans toutes les Fnac, tous les bons disquaires, même les mauvais. Sinon, on peut aussi commander via les réseaux. Ouais, via les réseaux. Les plateformes. Voilà, iTunes, Google Play. Le téléchargement légal. Exactement. Légal, bien sûr. Légal. Évidemment, il faut aider. Faire ça propre quand même. Il faut aider. Ouais. Après, je peux pas me retrouver avec des ardoises et tout. Regardez, c'est un jeune père. Je te jure. Laissez-le s'en sortir. Bon, avec un petit mot sur les gens qui ont bossé avec toi sur cet album. Donc, au niveau des producteurs, t'as bossé avec. Voilà, au niveau des producteurs, j'ai bossé avec Sparring Partners, des producteurs suisses. J'ai bossé avec E-Links. J'ai bossé avec Climax, des jeunes beatmakers qu'on a recrutés dans le label. J'ai bossé avec. Il y en a eu beaucoup quand même. Hein. J'ai bossé avec Twista, j'ai bossé avec Kujo. J'ai bossé, avec Diego aussi. Diego, mon gars sûr, grosse dédicace à toi. Et voilà. Et voilà. T'as aussi, donc c'est ton label aussi maintenant. T'as monté ta structure carrément. J'ai toujours, c'est un petit peu un truc assez délicat dans le sens où tout le monde croit que je suis chez Boma et Musique. Oui. Alors que je suis pas chez Boma et Musique. Moi, j'ai toujours eu mon label, l'Insist Blood Prod, tu vois, depuis le début. Après, c'est juste que Boma, voilà, c'est l'affiliation familiale, etc. Machin, You, c'est le frérot et tout. Mais sinon, en matière de travail, j'ai toujours eu mon label avec mes associés, mes gars et tout, indépendants depuis le début. Et voilà, c'est ce label-là qui a sorti cet album. Et donc, l'objectif, c'est quoi? Évidemment, sortir tes projets, mais aussi d'autres choses, il y a carrément développer le label aussi, ouais, pourquoi pas sur d'autres domaines, d'autres genres musicaux peut-être. Pour l'instant on se focalise sur moi parce que voilà, je suis un petit peu l'artiste bélier, on va dire. Il y a Lefty aussi qui est signé sur ce label et qui va sortir son projet incessamment sous peu. On a recruté des beatmakers Climax qui ont fait 80% de mon album. Et puis voilà, on a des vues sur des petits artistes et tout, mais bon, tranquille, doucement. Petit à petit. Ouais, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Jester et Gentleman, en tout cas, c'est sûr, c'est dans les bacs. Exactement, depuis vendredi dernier. Yeah. SP au contrôle, on est reparti avec DJ Stretch. On y repart. DJ Stretch chausse. Au contrôle. Robin. Dédicace à toi, E-Links, mon frère. Yeah. Je mets un faux chèque à la caisse d'épargne. T'auras ta part si tu restes calme. On rentre dans le club, elles agressent nos tables. Couche Red Cup, toi tu restes au bar. On a vendu des stups pour sortir des CD. Maintenant on passe à la télé. Yevi Sabango, Toza et Bélé. On va les mêler. Plus de patates, les rappeurs se mettent des balles dans le crâne à la comète. Je suis un casse-couille, mais tu peux pas me virer du game. Ariane, Robin, Ariane, on s'invite, fais péter la tease. Mes négros ne savent pas danser, arrêtez de faire les blindés. On sait qui a fait le million dans le rap français. On les effraie, on les refait, plus de respect. Sors mon skeud à la nique sa mère, ils sortent le leur, plus d'airplay. Criminel Ice, toujours frais, pas de Cortez. Concert au bled, 4 cortèges. Autour du cou, j'ai mes chaînes et ma ceinture en 4 bordels. Robin, Ariane, Robin, Ariane. J'suis un casse-couille, mais tu peux pas me virer du game. Ariane, Robin, Ariane. J'suis un casse-couille, mais tu peux pas me virer du game. Ariane, Robin, Ariane, Robin. Et tu casses à pile, j'te vois, frère. Robin, t'inquiète même pas. Ariane, petit frelot, il gère. Robin, Ariane. Ariane Robin, je suis un casse-couille, mais tu peux pas me tirer du game. Ariane Robin, on n'a pas la même life, on peut pas parler de la même chose. On n'a pas la même cam, on peut pas viser les mêmes doses. Négo, gère bien ta meuf, devant moi elle frappe à la pudique. Ils sont prêts à tout pour un buzz, quitte à s'afficher face au public. La paire est neuve, 2-3 liasses dans le cartonné. Ils parlent que trap toute la journée, mais font les hustlers prêts à se bastonner. J'en rigole, j'ai pas changé, toujours anti-cops. J'ai pas eu de papa, moi j'ai pas d'idole. Après mon passage, y'a plus d'anti-pop. Tu m'as vu gester avec la Beaumaye Team, Chico en argent, Red Cop sur le ring. Nigga, il ing ça la prod. 2014, c'est l'année du King. Nigga, Jester and Gentleman. On m'a dit doucement, tu vas faire mal au man. J'ai la vue rouge sang, fallait pas parler mal. Mais coups, tu les sens, je suis un pur animal. Mon petit Frollo, Slimlex, Luciano, Capo, 9-1, Refo Zou. Jay, je te vois aussi, frère. Robin, Ariane Robin, je suis un casse-couille mais tu peux pas me tirer du game. Ariane Robin, Ariane Robin, je suis un casse-couille mais tu peux pas me tirer du game. Ariane Robin, Robin, vas-y, la Courneuve, aïe aïe aïe. Bien bon, GNG, dispo depuis le 16. Va chercher cette affaire là. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bien, on part sur une exclusivité, mon gars, sur LEFTY. LEFT qui nous présente son nouveau bijou. Money. Il s'appelle Money. Yeah. Un 6 block prod. LEFT 94 SD. Luch, Mass, bien. X. Bien bon, www.lefty94sd.com. Malgré les épreuves qu'on traverse, aucun monde n'a pensé à baisser les bras. Si seulement tu savais, tout ce qu'on a passé pour en arriver là. All eyes on me, ça arrive bientôt. Laisse-moi fermer mes euros, mes dollars. Début 2016. Laisse-moi fermer ton monnaie. Chaque jour on traverse sans baisser les bras. Quant aux jaloux qui jackpot au bois, laissent les balles. Et qu'ils aillent se pêcher au haut de la falaise. Ils tombent sur leurs jambes. Que leur tibia remonte jusque leur putain de boîte crânienne. Nouveau left-tube. Chacun sa galère, j'suis pas dans mon assiette. Pour que ma fille ait quelque chose à grailler dans l'assiette. J'ai su faire ce qu'il fallait pour pas vivre des aztèques. Mais regarde la part du gâteau, donne-moi plutôt la recette. J'arrive de faire mes bails, pardon c'est la panique. Les filles qui débarquent, tout le monde sur ton planning. J'pète les portes avec mes poings pour pas crier famine. T'as jamais rien fait pour nous, prétends pas aider la famille. Parti de rien pour tout rafaler, qui viendra freiner ma frénésie. Ma trimée à l'usine, moi je préfère ma musique. Mais crois-le, c'est pas elle qui paye les factures ici. Depuis que la bêtise est venue remplacer le talent, j'compte pas rester les bras ballants. Pas besoin d'en parler, les ballons sont pas loin. T'es senti emballé, t'aimes mes premières paroles. Viens je t'emmène en balade, lève-t-il dans les parades. Il faut que j'quitte le bloc, quitte la zone. A pris pour qu'on m'exporte à l'international. Toujours en quête d'une place que personne. LEFT toujours trop de personnages. Traverse, aucun monde n'a pensé à baisser les bras. Laisse-moi faire ma monnaie. Malgré les épreuves qu'on traverse, aucun monde n'a pensé à baisser les bras. Si seulement tu savais, tout ce qu'on a passé pour en arriver là. Laisse-moi faire mes thunes, mes euros, mes dollars. Laisse-moi faire mes thunes, mes euros, mes dollars. Ça c'était le tout dernier LEFTY. LEFT qui arrive très bientôt. Pour bientôt, début 2016. All eyes on me. Et en attendant, tu peux checker mes high phone sessions. sur mes réseaux Facebook, Twitter, Insta, LEFT94SD. Yeah. Pour toutes les petites carbachiantes, les carbachiantes. Petite dédicace, un petit clin d'œil, hein, je vous vois aussi. Hein. On vous dédicace jamais. Ma droite, une chinoise. Yeah. Braquage à la quinoise. Soir, je suis à l'aise, pas de neuf sur moi. Yeah. Donc, s'il faut te monter en l'air, c'est pas moi qui marre. Ton boulet fake à la Kardashian. Tes seins sont fake à la Kardashian. Ta gueule est fake à la Kardashian. Oh putain, mais qu'est-ce que t'es chiant. Bébé, tu m'as vu, je suis posé à la rosée. Qui t'a dit que je voulais gester ou même poser. Raconte pas ta vie, je veux pas avoir la nausée. Ramène pas ton mec ici, on va l'arroser. Carré VIP, y'a que mon équipe. Fais pas la belle, prends ta taupe et on est quitte. J'suis pas Mick Mill, j'roule pas en Maybach. Oublie le Ritz, t'auras même pas l'hôtel étape. Billets verts et violets, si mes bougons fins. Tes règles ont coulé sur tes talons armes, t'es en Louboutin. Tu voudrais que je t'amène à Malaga, oui. En première classe, comme on dit chez moi, je suis pas là-bas. Soir, c'est ma petite Kim. Bitch, en fait, le vendra de Kim. Bitch, parfait, sera ma victime. Bitch, sans lui, j'ai une big dick. Bitch, bitch, bitch, bitch, bitch. Bitch, bitch, bitch, bitch. Bitch, bitch, bitch, bitch, bitch. Bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch. Ton boulet fake à la Kardashian. Tes seins sont fake à la Kardashian. Ta gueule est fake à la Kardashian. Oh putain, mais qu'est-ce que t'es chiant. Je veux pas ton BBM, ni ton WhatsApp. Encore moins que tu m'envoies ta plastique sur Snapchat. 2 litres de silicone dans ton sang. C'est en vrai t'es rincé comme le RNB français. Je m'attache pas, je suis un rat d'égout. Aucune bague au doigt, train de visser, il bat les couilles. Le salaire d'un baveux dans la poche de la stub. Mais je claque rien, sert à chose qu'elle, sert à revêt. La tôle à l'horizon tant que ma main n'est pas refaite. Dis ta matador qui s'enfonce dans le cul, c'est beurette. Quasi refaite, comme Nabil. Je les vois tes pleins phares, te fais pas de bile. Tu me planteras le dos pour mon bif comme Nabil. Direction Tarmi comme Nabil. Tu veux ta ville et rêve d'être Kardashian. Mais pour ce soir, je t'appellerai Kim Kardashian. Bitch, soir, c'est ma petite Kim. Bitch, en fait, le viendra de Kim. Bitch, parfait, sera ma victime. Bitch, sans lui, j'ai une big dick. Bitch, bitch, bitch, bitch, bitch. Bitch, bitch, bitch, bitch. Bitch, bitch, bitch, bitch, bitch. Bitch, bitch, bitch, bitch, bitch, bitch. Jester and gentlemen, dispo depuis le 16. Va chercher cette affaire là. Va chercher cette affaire là, bitch. Va chercher cette affaire là, bitch. Yeah. Et là maintenant on passe au petit frôlo. C'est dis-moi DMZ, Lasco. Bien bon. Souvent j'ai passé Mohad la MMZ, très bien bon. Flasco, j'ai mal yeah. Arrivé du tenu pour haute culture depuis le 9 octobre. Premier combat. Ouais, allez te charger en. C'est les petits frérots ça. C'est légal. Allez-y, allez cliquer. Non me demande pas. Dart et Zouf 9-1. Je crois que c'est la vie qui veut ça. Je t'avoue que des fois je ne comprends pas. Pourquoi je suis dans cet état. Pour mon Zou, la MMZ. La moitié du Gongo Hebs. La vie m'a mis la haine et ça dès le début. Mais rien à foutre, j'ai ce respect debout. Pendant des années, j'ai côtoyé la mer. Mais comme t'as vu, à présent, je tiens le coup. Demande à moi, faut de la moule à des sous. Il me faut du bif, de quoi remplir mes poches. Garde le sourire, même quand la vie est moche. Je regarde dans le vide quand la vermine m'approche. Pam pam, Alilou. Je regarde dans le vide quand la vermine m'approche. Non je parle pas, je fais mes choses en silence. J'ai des gangs, espions, pédica, je suis avec vous. Mais pour l'instant on remonte la pente. Ne parle pas de haine, elle m'a habité. La nuit porte qu'on sait jamais les yeux fermés. Les yeux fermés. À 24 dans le bloc, toujours sur le renté. Ça charbonne, tout ça pour des billes. Premier combat, c'est disponible. Mais tous les jours on est dans le ban. Et quand je suis un peu comme Scofield. Ou comme Kalash en division 4. Kalash, la liberté à mon frère. Je veux de la moula, de la moula, de la moula, de la moula. Laser, Brown. J'ai des Z, j'ai des gangs. F430 BAZ, la relève. Tous mes frères en prison, la BDE. Ok, libérez la MMZ, bande de bâtards. Libérez la MMZ. Ça va trimer dans la rue, la moula, on la met sous scellé. Touche un de mes frères, un jour ou l'autre, tu vas le payer. Je ferai tout pour pouvoir passer, n'oublie pas la télé. Pour péter le million, on va le faire, on va essayer. Poser dans la nuit avec un BDDD. Patate de bras, nous a pas se répéter. S'il y a tête à tête, je veux pas d'arrêter. Mon téléphone fait que de sonner. J'écris et j'ai mal à la tête. Je me mets en ne pas déranger. Mon voix serre se détaille comme une fête. Sa bibi, ouais, des t-shirts sous roux. La nuit, on se transforme en loup-garou. Et puis je fly, rien que je suis fire. Le monde chico. Tout le monde est die. Je suis venu pour faire de la moulin. J'avance avec elles, elles terre, fuck les traites. Ici t'en es un, ils bourrent en tête. Comme The Brun dans les yeux, y'a l'enfer. Dans les yeux, y'a l'enfer. J'veux mes pas DDDD. J'veux le monde comme un DDDD. Le monde Chico, le 30 octobre, PNL. J'veux juste bibi des CDDD. Et j'ouvre les yeux et je regarde le ciel. Ouais, je regarde le ciel. Faut que t'aies ça, j'fais le rap donne des ailes. Le rap donne des ailes, ouais. Le rap donne des ailes. Pirate du zoo, pirate de l'ombre. Je vois des pirates en roue, des pirates en zonze. Des pirates en zonze. J'ai du mal à trouver le sommeil. Toute l'année pour viser le sommeil. Nova, Ramos, Toumani. Libérer, libérer la demoiselle. Libérer mes frères, voilà. Libérer tous mes sourds. Que LF, que la famille. L'IMS, U2Z. Namoula, ouais, par centaine. J'ai du mal à trouver le sommeil. Trouver le sommeil. Ne parle pas de haine, elle m'a habité. La nuit porte, on sait jamais les yeux fermés. H24 dans le bloc, toujours sur le renté. Ça charbonne, tout ça pour des billets. Rêve, viser la lune. Mais tous les jours on est dans le bas. Et quand je suis un peu comme Scofield. Ou comme Kalash en division 4. Division 4. Ouais, ouais, ouais, Kalash, Trims, Laser. La moula, la moula, la moula, moula. Adèle. La moula, la moula, la moula, la moula, moula, moula, moula, moula. Yeah! Là, c'était Sidi Moha, Flasco. Extrait du EP, premier combat. C'est les petits refs, ça. Ils arrivent sur vous, vous inquiétez pas. On repart avec du brut, là. Grosse dédicace à toi, mon frérot. T'as pas pu être là, mais c'est pas grave, on est là quand même. Yeah! On court après les ronds du nord au sud comme Forest. Paye tes dettes, ego. Avant que l'on t'allume dans un coin de la rue, Jean Jaurès. Mr. L, L, si tous les moyens sont bons pour faire des ronds, j'irai braquer Bill Gates. Je suis plus d'humeur à plaisanter, je ne viserai plus les jambes, mais plutôt la puite. On court après les ronds. On court après les ronds. Kima, Kima. On court après les ronds. On court après les ronds. Get up, stand up. On court après les ronds. Faut faire plus de bail. On court après les ronds. Cabale comme Forest. On veut plus ton travail temporaire. Allez cours comme Forest. Après les euros, les dollars. Allez cours comme Forest. Ajoute des zéros sur le cachet, petit connard. Allez cours, cours, cours. On court après les ronds. On court après les ronds. On court après les ronds. On court après les ronds. On court après les ronds. Tu me dois des billets. Tu crois que tu vas t'en tirer comme as? Comme toutes les profs que je côtoie, je vais te plier. Non, je ne rappe jamais du fromage. ISF. On finira par se croiser. Nous ne sommes que des êtres humains et non des montagnes. Je ne peux pas en venir à te froisser. Devenu parano, j'ai du mal à garder mon calme. Mais je garde la tête sur les épaules. Grâce à Dieu, elles sont assez larges. Je t'ai mis à la vente quand je les épaules. C'est pour ça que je m'as fait une scène de ménage. Je cours après les pesos. Quand vos rappeurs courent après les likes. Je suis très facile à différencier. Au pied, j'ai toujours une putain de paire de Nike. T'es monté sur un charbon. Oui. Toi, tu surveillais tes arrières. Bélec, la liberté, c'est trop bon. Oui. Je veux pas te voir de l'autre côté de la barrière. Non. Rien à voir, mais j'ai fait un cauchemar. Ils rappaient comme moi les trois quarts, c'est Franck Guignol. Je m'étais fait voler mon flow, pourtant j'avais mis en place un système d'antivol. On court après les ronds. On court après les ronds. Kima, Kima. On court après les ronds. On court après les ronds. Get up, stand up. On court après les ronds. Faut faire plus de bail. On court après les ronds. Cabale comme Forest. On veut plus ton travail temporaire. Allez cours comme Forest. Après les euros, les dollars. Allez cours comme Forest. Ajoute des zéros sur le cachet, petit connard. Allez cours, cours, cours. On court après les ronds. On court après les ronds. On court après les ronds. On court après les ronds. Si frère s'est mis dans la bicrave, maman s'inquiète, elle ne dort plus. Il veut faire des billets violets comme des betteraves. Il ne veut plus y aller lentement comme une tortue. Il sait que ça va très vite, donc il veut palper. palpé. Il parle pas de crédit, non, pour lui c'est un truc de dalpé. Petit frère s'est mis dans la bicrave. Maman s'inquiète, elle ne dort plus. Il veut faire des billets violets comme des betteraves. Il ne veut plus y aller lentement comme une tortue. Il sait que ça va très vite, donc il veut palper. Il parle pas de crédit, non, pour lui c'est un truc de dalpé. Moi aussi je veux payer la ville à la mama. Faut que je galope comme le petit Mouroud. Si je me fais péter par les mille à ma nana, m'attendra-t-elle, j'en ai quelques doutes. Mais faut que je fasse des rouges, j'en suis dans l'obligation. Mon travail de 39 heures ne me suffit pas. J'aurais beau leur demander une augmentation, on me regarde dans les yeux, allez suicide-toi. Tu me fais en fit, tu payes. Je ne fais plus de cadeaux, le Père Noël n'existe pas. T'inquiète pas, en ce moment je me solde. Je te rappelle quand j'y pense, mais s'il te plaît n'insiste pas. J'ai quelques plans pour me faire des thunes rapidement. Mais je t'avoue que j'aime tellement maman que je n'oserais pas braquer la petite banque. On court après les ronds. On court après les ronds. Qui va, qui va. On court après les ronds. On court après les ronds. Get up, stand up. On court après les ronds. Faut faire plus de bail. On court après les ronds. Cabale comme Forest. On veut plus ton travail temporaire. Allez cours comme Forest. Après les euros, les dollars. Allez cours comme Forest. Ajoute des zéros sur le queue chez petit connard. Allez cours, cours, cours. On court après les ronds. On court après les ronds. On court après les ronds. On court après les ronds. On court après les ronds. Ténèbres courent après, pourtant ils font pas. Dicasse à mon frère Brutinho. Ténèbres courent après, pourtant ils font pas. ISF Record, Black Brut, Mr. L toujours disponible. On est ensemble, frérot. Ténèbres courent après, pourtant ils font pas de footing. Pas de footing. C'est la Nocturne et c'est Espy au contrôle de la Nocturne. Tu nous as présenté plein de gens. Ouais, carrément. Là, à l'instant, des morceaux, une petite sélection de gens qui sont autour de toi, que t'aimes bien. Ouais, carrément. Là, il y a la relève, là, les petits frelots, Sidi Moha et Flasco. Qui sont là dans le studio. Qui sont là dans le studio aussi, qui vont arracher le mic aussi en freestyle. Il y avait le nouveau morceau de Lefty. Je t'en parlais tout à l'heure. La signature aussi, un 6 Block, qui est le frère. C'est même pas un artiste, c'est un frère, tu vois, qui balance son projet aussi dans pas longtemps au Lies on Me. D'ailleurs, t'es là, Lefty. Grand garçon, il va se présenter tout seul. Il est là. Très bien bon, Lefty est toujours à gauche. Sauf que là, il est en face, mais d'habitude, il est toujours à gauche. Ouais. Non, mais bien bon, hein, on est là aussi. Ça prépare, c'est dans le four, ça arrive bientôt. Mais comme je disais, on peut me retrouver en attendant sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Lefty94SD, L-E-F-T-Y, et aussi le site www.lefty94sd.com et All Eyes On Me, le projet qui arrive, l'album qui arrive début 2016. Voilà. All Eyes On Me. All Eyes On Me. Et il y avait aussi un morceau de Black Brut que tu connais. Pour conclure la session, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Mais voilà, on pense quand même au frérot, donc on a balancé un petit morceau à lui et voilà. Mr. L toujours disponible. On attaque. Espy, on attaque. On attaque. Est-ce que tu es prêt? C'est l'heure du live, l'heure du freestyle. Ouais, allons-y. Et bah c'est parti, session live maintenant dans la Nocturne. C'est parti. Yeah. Alors autour de la table, il y a Lefty, il y a Sidi Moha, il y a Flasco, il y a Comic, il y a Ludo. Il y a Taipan, il y a moi-même S to the fucking P. GNG, disponible depuis vendredi dernier. Yeah, va chercher cette affaire-là. GNG, disponible. GNG. Yeah, grosse session freestyle. Bien bon. On est prêt, on est chaud, on est prêt. Ok, yeah. Ça fait des années que j'ai ma place. Ça fait des années que tu vois le place. On demande pas, on prend ta part. On se mélange pas, on fait bande à part. Un 6 bloc, que des vantards. Starting block, si l'affaire est rentable. J'arrive à grands pas, faudrait qu'on en parle. Dans leur fouille, j'ai vu des éventails. Ice, creamy, jamais limite, jamais fini, jamais timide. Fallait pas négliger, j't'allume comment Siri. B2O, c'est pas bien. Tu les as tous mis au uncut, au tatouage, à la muscule. Mais ils n'auront que le swag à Steve Urkel. Le rap en cinglé, ils voient la vie en cinglé. Que des poucaves, que des poucaves. Moi je en indé, pour finir blindé. À la Franck Lucas, je suis que de passage. Dis-moi c'est où le casse. Ils voient la face. Mais ils se font recaler où je passe. Me compare pas, je suis un bonhomme. Avant d'être un artiste. à peine mon premier album, je vis déjà comme une tête d'affiche. Faut que ce rap game il m'a saoulé. Dans la rue, je vais le rouler. Ils sont tous là pour toi, mais tu seras tout seul quand tu vas couler. T'es un ancien, j'ai du respect, mais crois pas que tu vas marcher dessus. T'as fait des thunes dans les années 2000, aujourd'hui c'est moi qui te casse le cul. Gardez vos féfés en log. Moi je suis un dingue. Torse nu, chaîne en or sur un éléphant plein milieu de la jungle. Je veux les dollars, je traîne un passé de voyous de dollars. J'arrive plus déter que le mola Omar. Toujours bouillant à croire que je gratte dans un sauna. Contrôlé plus au test antidopage. Perso j'attends plus qu'il fasse de faux pas. Je le zéro dave, je suis dans l'angle mort avec un flow qui vaut plus qu'une montre au chopard. Ne joue pas les héros. Tu peux m'appeler Bruce Wayne avec un sombrero. S to the P, je suis dans une matrice. Arrogance 3.0. Mets le game sur pause, pause. Regarde les rampées. Suce-moi sans les dents comme si Mike Tyson t'avait pété le dentier. Yeah, eh, pas de temps à perdre. Yeah, lefty. Non, pas de temps à perdre. Eh, ok, yeah. Eh, pas de temps à perdre, non gros, je crois accélère. Left, yeah, pas de temps à perdre, non gros, j'accélère. Hein, eh, combien de temps encore avant qu'on pète un câble? Combien de B2 encore à me mettre dans le crâne? J'passe les rapports, mais ils voudraient que je rétrograde. J'fous le Delport, combien voudraient que je reste au calme? Moi, mes potos, faut bien faire rentrer les ronds pour se remplir l'estomac. J'arrive d'en bas et j'veux monter haut, sans me faire péter par la mondéo. J'arrive en balle, sorti du hall, j't'envoie ma propagande en vidéo. Yeah, LEFT dans les parages, gros, faut que tu débarrasses le plancher. Eh, j'ai déjà foiré le plan A, le plan B, c'est de pas foirer le plan C. J'ai déjà du mal à m'entendre penser. Yeah, va prévenir tous tes gars, j'arrive foutre la merde dans le rap français. Rien que je débute, puis des piges et des piges. Maman laisse faire mais ne sait rien depuis. En attendant je fume des tiges et des tiges. En les regardant tous sucer des bites. Eh désolé mais des fois je lance discute. Et si je te choquais toutes mes places d'excuses. Créer des criers comme la brigade des stupes. N'engage pas ta vie même si t'en reste qu'une. Depuis mes premiers pas j'ai pas quitté la ville. Je viens foutre la merde, j'ai pas changé d'avis. Malgré les vagues et le bateau qui chavire, j'ai pas changé d'affaire, j'suis toujours sur le navire. Le peur c'est ma life, gros, c'est ma destinée. Big up à ceux qui m'ont sous-estimé. Un beau jour, faut que je pense à vous dire si merde, les années sont passées, mais j'ai pas démissionné. Ça rappe salement, j'suis venu les mettre à l'amende. Jamais sans calmant, j'suis le relou. J'arrive illégalement, t'auras pas de calmant. J'suis un gamin salement, c'est des relous. L'album arrive, les bâtards vont jacter. Est-ce que les vrais supporters vont l'acheter? Une chose est sûre, j'suis pas prêt de lâcher. Hey, une chose est sûre, j'suis pas prêt de lâcher. LEFT, Vasco. Yeah, premier combat dans les packs. Flasco, Flasco. Yeah, Igo. Ça fait, ça fait, ça fait. Gentil. Moulin. Moulin, moulin. Désormais j'arrive à leur fête de la place. J'ai cherché des rappeurs mais j'ai vu que des tasses. C'est bien tu t'es rappé mais t'as donné ton as. J'ai pas le temps pour les games là, il faut que je chasse. Faut que je chasse, j'ai des euros à faire. Te plaît ton nez, le mets pas dans mes jazz. Tu dis que c'est ta femme, attire-toi qu'elle soit vierge. À mon avis elle a pompé la terre. De toute manière moi j'ai autre chose à faire. Fumer les teutrés, fumer les teutrés. Le sang va couler, cognot t'a merdé. Ta vie va sauter, on va te plomber. Il y a danger, au darteret ça refuse de se mélanger. C'est QLF, c'est que la mif. Touche au petit frère et je te plie en 10. Touche au petit frère et je te plie en 10. Sco. Yeah. Mes combats. Hey, Yuma, Yuma, GNG. Terry Bach dans le building. Mauvais Joe, mauvais Joe. Ice, crimé, crimé, crimé. MVD. GNG depuis le 16, dispo depuis le 16. Shabazz, quel bail, numéro 7. Yeah. Talaba Yuma. Atalaba Yuma. Atalaba Yuma. Atalaba Yuma. Atalaba Yuma. Yuma, Yuma. Atalaba Yuma. Atalaba Yuma. Atalaba Yuma. Atalaba Yuma. Atalaba Yuma. Yuma, Yuma. Yuma, Yuma. MVD Gang. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tala, tala. Botala, botala. Tosala, moussala. Aka, chargé, buba, ala, benna, den, Oussama. Ndoki la vision. Ndoki la vision. Voilà pour la fiston. Nique sa mère les cuissons. J'brûle la mbila, saignante t'es la cuisson. Voilà, voilà. Ponduna losso. Ah, ponduna losso. Kwanga nan taba. Kwanga nan taba. Ma bitch vient des Barbades. Oli, j'suis Conan le barbare. J'suis Conan le barbare. 41 jupes de blanc. 9-4 à Louezzo. Kryptonite dans nos bêtes. Tout fin à bango. Leurs momies sont mes chaînes. Drac, voyons Kuntash. Le torse est rempli de chaînes. Nostalgie de Kinte Kunta. J'fais mon pied, pied. J'me casse, direction à Abu Dhabi. Depuis la majorité, on est calibré. Tout n'a plus. Sponsorisé street, sa bibi. Drogue, dure, douce, de tout de suite, tout de suite. Rappeur, un problème, pas besoin d'équipe. On règle ça tout de suite, tout de suite. Mali, Galsen, Mali, Galsen. CI, Congo, CI, Congo. Rafale des 30 mètres, rafale des 30 mètres. Molengo, le combo. Panama Bay, on est sur le rinté, sourcil français, on rit pas. On rit pas, il faut les durs dans le rap game. Rase des murs sur Ripa. Bazaya Kozinda, Bazaya Kozinda, Mbiaka Izwinga, Mbiaka Izwinga, Na Beti Babula, Na Beti Babula, Tina Beti Bakula, Tina Beti Bakula, Talabayuma, Talabayuma, Talabayuma, Talabayuma, To Beti Bango, Bakini Bamasta, Bo Talabayuma, Talabayuma, Talabayuma, 242, 243, Bo Talabayuma, Babunda, Babunda. Talabayuma, Talabayuma, Talabayuma, Yuma, Yuma, To Beti Bango, Bakini Bamasta, Bo Talabayuma, Talabayuma, Talabayuma, Talabayuma, Talabayuma, Yuma, Yuma, Ribat, Ribat, mauvais jour. Au fusil d'assaut avec toute mon équipe, toutes mes cordes, balle dans le crâne, gros, on vise pas le parfum. Esprit et Ribat, Kinshasa Brasa, To Bomi Bango, Masta, Talabayuma. Manque de respect, tu te feras vite enterrer. Business intérêt, bénéf à Péro. Je veux péter des millions, qui t'a possédé. La villa de Tony, le salaire à Messi, hein. Tu joues l'acteur, ratatata, fini le scénario. Traîne-nous dans la cour des grands, mon négro. J'ai les crocs sur de moi, j'ai l'arrogance de Mario. Zip de bloc et des rats d'égout, hein. L'argent du game, on le blanchit. Normal, difficile qu'on échoue. On descend chez toi si tu nous dois des gros sous. Dans tout des rats, que de la frappe. Cocaïne, bullshit, les clients sont accro. Ça défile de partout. Nos bigos nous écoutent, 6h du mat, les keufs frappent à la porte. Mais je me suis déjà taillé, parti remise. J'suis sur la Addis, ça monte sur Bénis. Dans un Audi 76, ça prend des risques. Mauvais de MOB, ça fait du pif. Top la One Fight. J'connais beaucoup de négros, en cas d'embrouille pour le frérot, ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas. Un ancien m'a dit dans le rap français, trois quarts des rappeurs sont des Ndumba. Ndumba, devant toi ça joue les Bamba. Au comico, ça se confesse. J'suis n'a pour faire de papa la main. Et toi finir dans un fossé. MOB, on est dans le game, toujours prêt pour la guerre. Le PMAC est chargé. Grosse bouteille de Belvedere. Négro, j'suis dans les wells, tes rappeurs sont dépassés. Terry Back, Terry Back. Aïe. Freestyle Session, ça c'était Yuma, extrait de GNG. Dispo depuis le 16 octobre. Dans les bacs, va chercher cette affaire-là. Okay. Mohad MZ. Sur la tête de Marrakech, je vais tous les fumer. Mon rap, c'est de la pure. On t'entend plus, espèce de trouillard. Vas-y, viens, je t'emmène, tu verras que du blanc, comme dans le brouillard. Cocaïna, je vais serre de la pura taille. Et quand on est là, tu parles chinois comme à Chinatown. Moi je veux de la maille, toi comme Pirlo, Valentina, China. Pas comme Annie, je choisis Tony et Gina, Gina, je claque. Mon rap rentre dans ton oreille comme de la pure dans ton nez. Toi t'as choisi de balancer, on va te chabar tout ce c'est. Faut que je fasse mon choix, viscère mon rap ou de la C. J'viscère mon rap comme mon shit dans les couilles. Si on t'allume on ramasse pas les douilles. Espion Pénica qui te passe à la fouille. À la recherche du One Piece tous les jours on patrouille. Coca, coca, cocaïna. Toi tu parles sur moi quand je suis plus là. Y'a de la 2MZ dans un putain de gamos. Tu t'es mal le reflet sur ma Ferragamo. Bloque tout comme Sergio Ramos. Tu goûtes à mon son et tu dis pas un mot. Tu me vois que sur YouTube je sais que tu veux ma peau. Manque de peau. Faut que j'calme. Yeah. J'suis un rat puis j'ai la dalle. Tu jalouses, tu m'envies, on sait que t'es fan. Cocaïna, t'es pas de chez nous, mais pas ton pied dans notre street. Ouais, faut que j'pète le million. Et dans mon salon, ego, j'veux un tir. J'veux faire sauter l'avenue des peupliers. Mes frères en zonzon font que se multiplier. Coca, coca, cocaïna. La 2MZ n'en est plus là. On vend de la morigo, on n'est pas mort. Cocaïna. Coca, coca, cocaïna. Cocaïna. Coca, coca, cocaïna. Mohad MZ. Là, c'était les petits frelots, la relève. Sidi Moha, Flasco. Là, on enchaîne. Gégia. Comique, Taïpan. Yeah, 3D ou D3, comme tu le sens, frérot. D3 avec Gégia. Dexter. Ludo, normal. Yeah. Ok. Yeah. C'est ton gros père N, ma gueule. Yo, comique, Ludo Dexter, ouais, ma gueule. C'est nous, on est là. Yeah. Ok. Yeah, on y va. Yeah. Y'a des euros à se faire, alors je fais des euros. J'ai des euros dans la tête, j'ai la tête dans les euros. Aujourd'hui je remplis des chèques avec un stylo plus cher que celui qu'avaient mes proches pour me mettre des zéros. Avec 1 million d'euros, tu sais ce que je fais? Un autre 1 million d'euros. Avec 2 millions d'euros, je fais 4 millions d'euros. 4 millions d'euros font 8 millions d'euros. Avec 8 millions d'euros, tu sais ce que je fais? Plus rien, je me repose. Bla bla, j'entends que des mots. Parle-moi de fric, parle-moi de millions d'euros. Parle-moi de fric tout de suite, car le tic-tac tourne trop vite pour parler de météo. Je veux me faire de l'argent facile, gros. Les 32 Chico en or massif, gros. J'aurais besoin d'une fourgonnette de la Brinks pour aller chez le dentiste quand j'en serai en haut. Yeah, c'est ton gros père N, ma gueule. Yeah, taille pas une couche, bientôt ma graine. Ouais, écoute celle-là. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Rien n'a changé dans mon vide ordure. J'suis toujours ce chic type avec des rimes tordues. Quand je veux serrer ta sœur, je dis que je connais Youssoufa, mais j'ai même pas le budget chaud sur d'Oscar Pistorius. Yeah. Des idées, j'en ai plein la gueule. Plus le temps de pisser comme un chien d'aveugle. Je répète pas mes textes comme un chien acteur. Je réponds plus quand tu m'appelles comme le chien de ta reine. Je serai toujours au garde à vous pour une poule qui a la moule comme la bouche d'Erika Badou. Ma couille, je suis un baba cool. Je fais un gosse et puis je m'envole dans les airs. Je suis un papa poule. J'avoue, cette rime elle était pas terrible. Mais toi t'es pathétique quand tu partages tes clips. Je m'emmerde assez vite comme un adolescent paraplégique au parc Astérix. Putain de sa mère, putain de sa mère. Je me sens bien comme un enfoiré de parkinsonien dans un tremblement de terre. Je fête la vie étrangement, je sais. C'est ton gros père N, ma gueule. SP, ma gueule. Yeah. Jester et gentleman dans les packs, hein. Yeah, Jester and gentleman dans les packs. Depuis vendredi, va chercher cette affaire là. Eh là c'était comique. Comique 14, bien SP, bon. SP, Genji. Dexter, ouais. Taipan, ouais. Là on repart avec Lefty et SP. Bien bon. Mon gars Reebok, mauvais Joe. Numéro 7, je te vois frère. DMC. Animal, toi-même tu sais. Shabazz, yeah. Dégage, on vient t'allumer. Y'a du crack dans leur calumet. Fils de putain, v'là le ice. Quand je passe, saluer. Fini l'époque des gomcoy. J'ai des soldats jusqu'au tom-tom. On vient les soulever à l'aube. À leur pute, ils se cramponnent. Coup de boule dans les couilles à Bouddha. Ils font les salopes, font des feats ensemble et se bouda. J'ai le bling bling à Barakuda. J'coupe ma vodka au maracuja. J'suis pas la coqueluche de YouTube. Ni le buzz de la Mense. Désolé les mecs, je ne joue plus. Allez demander à vos femmes ce que c'est qu'une vrette le. Zeyo dans la mallette, je soulève pas les palettes. Je tire au MK, ils ont rangé leur arbalète. Y'a des bonobos à ce qui paraît. Pareil qu'au lieu de casser ton tête, t'as fait la danseuse de palais. Allez, on fait pas tous la peine gros. Ils parlent tous de bendo. Mais à 4 du mat, dans leur propre tchex, ils se font domso avec un bandeau. Allez, allez, là je suis toujours dos au mur. En accord avec mes négros de la hure. Nique le showbiz, me fais pas la bise. On y est, c'est qu'on vient bibi de la pure. Yeah. On vient bibi de la pure. On vient bibi de la pure. Yeah, LF. On vient bibi de la pure. Yeah, yeah. Depuis l'époque, je prends des kilos. Rajoute des maillons sur ma chaîne. Laisse surtout pas ta chance de filer. Rajoute 1 million sur mon chèque. On est parti du bas de l'échelle. On veut grimper sur la pyramide. Je suis navré, mais c'était ma chaîne. Avant de devenir ta petite amie. Hey, pas venez les autres, mon équipe arrive. Enfin le retour du rap en France. N'oublie pas que la vérité sort toujours de la bouche des gens francs. Dieu merci, on sait d'où l'on vient. Lui seul sait où on finira. Jusqu'ici je suis bien entouré. Mais qui sera là lors mes funérailles? Ça je ne sais pas. Mais tu sais quoi, je débite jusqu'à ce que la mort nous sépare. Une pensée pour nos disparus. Qui reverra un de ces quatre? On se fera dans le secteur. Parasité par les inspecteurs. Dans la vie je ne respecte rien. Mais en pratique bah je respecte clair. Explique clair. Yeah, elle est FT dans les pages. Allez, on me Moha, Moha. Yeah, moha, moha. Si y'a tête à tête, moi je veux pas d'arrêter. Folie dans ma tête comme Zika, c'est KT. J'avique sur tous les océans. tu parles, tu tombes dans le néant. Yeah. Tu parles pas à tous ces mécréants. Moha. Tu parles, tu tombes dans le néant. Moha. Vas-y, mets le son à fond. De la moula, y'a la 2MZ. T'es plus là, t'es plus là. Hey. Choqué sur les pas de rala. Pour la MIFA, je ralasse. On rêve tous de gros palaces. De gros sas, de gros gamos. Y'a de l'oseille, nous on ramasse. Dans le tas, je tire des bastos, baisse d'un ton. Là, tu parles mal, on va te niquer ta mère, t'enterrer dans une malle. Hey. On va te niquer ta mère, t'enterrer dans une malle. C'est Timoha. Terrible, moula, moula. Terrible, back, mauvais Joe. Préhendé, on représente. SP. S. Yeah. Ok. Ok, yo. Fais le taf, donc faites gaffe. Tu gueules trop, mais t'as pas de faf. T'es des longues bitch, y'a pas de fou. Yeah. Tu parles de meuf, mais t'as pas de fouf. Yeah. Pas de flow, donc pas de buzz. Dans le rap français, gros, j'ai trop de base. Tu veux que je te ken sans podcast? Grosse bêtise, t'auras pas de baisse. 1-5, c'est le cartel. Bien bon. Ton hip hop gros est en carton. Bien bon. Un tête à tête, tu dormes un pardon. Bobons, mais malice. Bobons, SP enchaîne, gros. Pas dans ce j'ai des gangs. Ok. Yeah. Yeah. Ça fait. Ok, ok. GNG, dispo depuis vendredi dernier. Va chercher cette affaire-là autour de la table. Il y avait Sidi Moha, il y avait Terry Pack, il y avait Dexter, il y avait Taipan, il y avait Comic, il y avait Flasco, il y avait Lefty. Voilà, et dans les studios, il y a un peu moins. Faites un peu de bruit là, s'il vous plaît, dans les studios là. Faites un peu de bruit pour montrer qu'il y a du démon un peu là. Yeah. Ok, ok, ok, ok, ok. Eh ben, Lirissa et Tosma. Je crois que c'était un bon début de nocturne, SP, ouais, tout ouais, ça, non ouais, je cache pas, je cache pas quand même. Ah, on était bien là avec ouais, Jester ça... et Gentleman, exactement. Tes invités qui étaient en freestyle. Exactement. Ils étaient chauds, ils ont brûlé le mic comme prévu. On va rappeler deux, trois choses, c'est qu'évidemment, donc c'est sorti depuis une semaine. Exactement, ouais, sorti depuis une semaine. Il est dispo, voilà, dans toutes les Fnac, sur les plateformes digitales aussi, genre iTunes, Google Play, etc. Que on va te retrouver en tournée avec voilà. Là, on va retrouver en tournée avec Yous. Il y aura bientôt une date parisienne aussi pour défendre l'album. Et voilà, pour tous ceux qui veulent des infos sur SP ou quoi, le Facebook et le Twitter, c'est @icecriminel. L'Instagram, c'est spi.officiel. Et le site, c'est icecriminel.com. Et pour tous ceux qui veulent des t-shirts et des CD dédicacés, parce qu'on en fait aussi des t-shirts, ça se passe sur gestlife.com. Gestlife.com. Merci voilà, en tout cas. Merci à toi, Fredo. Comme d'hab. Comme d'hab, comme d'hab, frère. À très vite. Merci exactement. À Stretch qui était au contrôle au platine. Et à DJ Stretch aussi. J'ai oublié mon gars DJ Stretch. Voilà, qui a animé cette affaire-là. Attends, on va t'entendre. Vas-y, mon gars. On va attendre ça 12 pas de voix. Censure, pas de censure. C'est beau ou quoi? Ça y est, on t'entend. Merci, mon gars. SP. Non, normal, on est ensemble, t'es le frérot. Ça fait longtemps. Ah, ça fait très longtemps, mais on va débriefer en bas, t'inquiète. Bon, merci donc pour voilà. ce très bon début de nocturne. Yes. La nocturne continue avec du son 100% rap français. Et puis yes, à très vite, SP. À très, très vite, Fredo, toi-même, tu sais. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Et c'est reparti pour le son de la nocturne avec Niro qui débarque dès lundi dans Planète Rap 2021. Des fois je me pose des questions bêtes. Est-ce que le ciel est mal aimé? Encore un de mes potos qui a fait une dinguerie. On paierait plus des ferrets. Toujours les mêmes histoires. Fierté et conflit d'intérêt. Ils veulent savoir ce qui se passe sous mon béret. Combien de sous j'ai récupéré. J'ai tellement galéré, du mal à me tempérer, mais t'inquiète, j'ai serré. Pointé du doigt depuis petit feu, c'est nous les enfants terrés. On fait connaissance avec la faucheuse de 50 sur le péril. Surveille les intempéries, cousine, c'est pas la mairie. J'vais manger les, ça suffit, j'me marie pas la mairie. Si comme nous t'es issu de la servie, tu seras jamais mon ennemi. J'ai t'as fait de moi dans ma vie, j'ai jamais touché les rémunes. Des fois je me pose des questions, mais est-ce que le ciel est mal aimé? Quelle est la différence entre ça et mourage et l'anonymie? J'ai besoin d'un aller-sain, j'ai besoin d'un alibi. Je calcule pas ce qui nous ralentit. Pour toi j'ai besoin d'un alibi. Pour toi j'ai besoin d'un alibi. Casser les portes de la réussite. Mais avant il faut que je fasse mes feux. Est-ce que le ciel en mal aimé? J'écris jusqu'à l'aube. La concurrence n'a pas fait son deuil. Genre d'un cauchemar, je me lève dans un autre. L'impression que je passe à la saison 2. Accompagné même si je parie seul. Je suis de ceux qui se taisent pour faire parler d'eux. Que des enfants n'adolent pas ici. Y'a pas de l'OV, je deviens pareil. C'est vrai, ouais mon ami. Cavalé après les miettes. Pour toi ça m'a pris la tête. Les anciens ont pris les pépettes. On arrive après la fête. J'ai appris en grandissant alors. Je suis devenu intransigeant, le rap, c'est bien tigeant mais salope. J'arrêterai pas dans 10 ans, ben ouais mon ami. Les gens se lèvent, je suis encore la veille. Le son à fond dans la gomba. Je me brûle les doigts avec le cul de la vieille. Je me brûle les doigts avec mes lova. Au collège au lycée, mauvais élève, celui qu'on surveille. Une arme blanche cachée dans mon survêt. Toujours prêt à faire des putains de trucs. J'ai besoin d'analyse, j'ai besoin d'analyse. Je calcule pas ce qui nous ralentit. Pourtant j'ai besoin d'aller vite. Pourtant j'ai besoin d'aller vite. Casser les portes de la réussite. Mais avant il faut que je fasse mes preuves. Est-ce que le ciel est ma limite? J'ai besoin d'un alibi. J'calcule pas ce qui nous ralentit. Pourtant j'ai besoin d'un alibi. Casser les portes de la réussite. Mais avant il faut que je fasse mes feux. Est-ce que le ciel est ma limite? Est-ce que le ciel est ma limite? Casser les portes de la réussite. Mais avant il faut que je fasse mes feux. La Nocturne. C'est le nouveau Sultan dans La Nocturne. Des bombes en plein la planète rap, c'est français, tu dégoupillais. Je devais me ranger, mais avant ça, je vais devoir vous plier. Appelle ta mère, ton père, tes frères, tes soeurs, je crois que tout le monde y est. Si je réfléchis avec ma teuf, suce-moi pour me faire oublier. Vérifie que le compte y est, pour la hagla des convillés. Je peux faire des kills, des tas de sang hardcore si ça donne des billets. Je rappelais mieux au sein de mon lit que toi-même quand je roupillais. Dans la jebou, allez maintenant prier. Oui, je fais la salade dans ce haram, c'est comme un bouclier. Ton flot, ta femme, tes folles, même ta sassène, je vais venir la piller. Je vais baiser le meilleur TM si il pourra se rhabiller. Il sera plus c'est quoi le rap, il sera juste comme en crier. J'ai des pulsions de meurtrier, les rageux m'ont quadrillé. On sort des quartiers chauds, on sort des fours, pour ça qu'on est grillé. Quand je rappe tous les cadavres sans pile, alors venez me supplier. Entre une salope et une salope, comment je vais trier? Bossoulou, bossoulou, bossoulou, bossoulou, toi. Elle dit que c'est mon ex alors que même pas je la fais franc. Sauf son y'a pas de fit parce que sinon tu seras de trop. Ouais, Sultan, tu vas trop fort alors. Alors dis-toi que c'est pour de faux, nigga. La sens-tu? Pas de gentillesse, si viens mon chaud quand ta main est tendue. Si tu la prends dans la lucarne, c'est moi qui ai mis le but. Y'a tellement de langue de pute que j'ai toujours de quoi me laver le cul. Bossoulou, bossoulou, bossoulou, bossoulou, toi. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Carus. J'aime les grosses berlines, trop dans ville comme en Bosnie-Herzégovine. J'ai de la cocaïne pour toi et tes copines. Si t'aimes les grosses vermines, pute, je te termine. Et je l'écris en rouge avec tes gueulerets sur les murs de l'hôtel. Audemars, Audemars m'a tué. Je veux pas rouler en open. Depuis que Audemars m'a tué, le superficiel est essentiel. Audemars, Audemars m'a tué. Dans quel état je vais arriver au ciel? Je suis innocent, je le rappelle. Audemars, Audemars m'a tué. Je me casse pas les couilles pour prendre ta place. Non, tu vas finir par glisser sur ta chasse. Ne crois surtout pas que tu m'as hué. Si t'es devant WAM, c'est parce que t'es en le vrai. J'ai dit pute. Donne-moi mes pépettes, parle pas chinois. J'arrive énervé, macheté comme un quinoa. Traverse les nuages comme une fusée. Pute arrive à la fin de sa life, le cul usé. Prends-le même les flics qui t'affichent. Ils contrôlent ta plaque, ils contrôlent ta vessie. J'ai vu le podologue, faut que je vois le sociologue. J'ai des problèmes d'argent parce que j'ai des problèmes. J'ai des grosses berlines. Rond en ville comme en Bosnie-Herzégovine. J'ai de la cocaïne pour toi et tes copines. Si t'aimes les grosses vermines, pute, je te termine. Et je l'écris en rouge avec tes gueulerets sur les murs de l'hôtel. Audemars, Audemars m'a tué. Je veux pas rouler en open. Depuis que Audemars m'a tué, le superficiel est essentiel. Audemars, Audemars m'a tué. Dans quel état je vais arriver au ciel? Je suis innocent, je le rappelle. Audemars, Audemars m'a tué. Ton téléphone sonne, c'est de bonne augure. Décroche, c'est moi qui t'appelle du futur. C'est une fille, bien moi j'en suis sûr. Miss Kina, elle suce des bites pour payer ses factures. Incorruptible comme un béret vert. Pour une dose, toi tu vendrais père et mère. Ne te fatigue pas, on ne sera jamais quitte. Faut que je gagne même si c'est juste un concours de piste. Grosse punchline, super missile. Traverse toutes les lignes, même ton sperme ici. Le genre humain n'est pas trop mon genre. Préoccupe-toi du tien, ne t'occupe pas de moi. J'aime les grosses berlines. Rond en ville comme en Bosnie-Herzégovine. J'ai de la cocaïne pour toi et tes copines. Si t'aimes les grosses vermines, pute, je te termine. Et je l'écris en rouge avec tes gueulerets sur les murs de l'hôtel. Carice. Audemars, Audemars m'a tué. Je veux pas rouler en open. Depuis que Audemars m'a tué, le superficiel est essentiel. Audemars, Audemars m'a tué. Dans quel état je vais arriver au ciel? Je suis innocent, je le rappelle. Audemars, Audemars m'a tué. C'est Carice. J'ai dit pute. Il a dit. J'ai dit pute. Il l'a dit. Et redit. Dans la nocturne 100% rap français, le morceau s'appelle Audemars m'a tué. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. XV Barbare. Ça sortira le 11 décembre. Le Gun ou la Rose. Projet d'XV Barbare. La nocturne. Nouvel extrait maintenant. J'ai réglé le viseur. Mise en position. Ennemi à 10h. Je me vois déjà devant la cuisson. De l'herbe que fument les bisons. Cache convertisseur. C'est pas ça mes disons. Tout est dans le mixeur. Asma de freezer. Asma de freezer. On encule les Qataris. Asma de freezer. Ouais mon négro c'est Paris. Asma de freezer. Baron dans la ville. Asma de freezer. Freezer. J'suis dans le fond du coffee. Avec le royal. J'prends de l'avant le passé me fuit. Avec le royal. Je fume un bled de Mali. Y'est mon fils. Toi t'étais où de cette affaire? Fallait que j'm'en débarrasse. Trop changé comme discursif. Si le tonneau qui gifle, son n'importe quel corner dit pas ce qu'il chiffre. Trop débat, ta meuf c'est ma gueule là. Je remplis que ça. Gros yébler, moi je connais que ça. Quand j'étais petit, je me prenais pour Son Goku. Et puis j'ai grandi, je vois que les nous ils sont beaucoup. Tu penses porter tes couilles, moi je sais que t'es un mec chelou. La haine de végétal, daron, c'est fait chez coups. Asbat Freezer, Asbat Freezer, on va t'y d'où. Tous mes gava, gava, c'est au château. Faut du genre, donc je cherche les boules de cristal. Maison, ma là sur mes shoes, j'ai du style. Une infusion, t'es glacé avec mon royal. Ils sont tous fascinés par le trône, amour royal. Le malier, Adé. J'ai mis grave dans le parc, donc mes empreintes restent dans le garden. C'est quoi les bails là? Et tiens, bon ressort, envoie la bail là. J'ai le bras long comme le chapeau de paille. Près de mes ennemis, mes bang bang. Bang bang, t'entends? Gros huc, t'entends? Et cependant, et je vais plus un restaurant indépendant. Grosse blessure, oui c'est tentant. Pour ma tête, il faut prévoir à peu près 100 ans. Bon, mon gars, si j'oublie qui ta tête. Que je suis pas solo dans ma tête. Mon gars, j'ai de quoi te rendre bête. Frappe détaillée, chirurgie, l'opinel aiguisé, efficace en lamelle. La bête est morte. La belle me suce. Puis je monte à porte. D'ailleurs, climat en dessous, l'abri de bus. Cocaïna, cocaïna. Je suis sapé de couleur cocaïna. C'est ce que je vends, c'est pas ce que j'inhale. Donne-moi mes thunes ou j'blesse, ou j'blesse, ou j'blesse. Les sept boules de cristal. Freezer est sorti, j'suis chaud comme le magma. J'traîne en bas de la maison, j'ai ma paire de Margiela. Midi, minuit, j'encaisse, j'encaisse, j'encaisse. J'ai réglé le viseur. Mise en position. Ennemi à 10h. J'me vois déjà devant la cuisson. De l'herbe que fument les bisons. Cache convertisseur. C'est pas ça mes disons. Que tout est dans le mixeur. Asma de freezer. Asma de freezer. On encule les catarines. Asma de freezer. Ouais mon nez gros c'est Paris. Asma de freezer. Baron dans la ville. Asma de freezer. Freezer. Got to you on the tracks. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Hola Keta, tchécoslovaque. Froid de canard pour mes loups, c'est l'orage. Vodka hachi gauche de va démoniaque. La vie d'allocage, la coupe à l'ammoniaque. Il me faut du bif. Ça fait rarara. Ça fait rarara. TTFIG des affaires. Comment voir la vie en rose? Devant moi y'a que des bleus. Pour des billets violets, la juge veut me violer. Vert, jaune, black, certains poussent la white. Mes sourous, mes sourous, mes sourous font la moula puis on se barre à Hawaï. Ça, ça, la pâte, tiki, tiki, j'vais les gawawater. Y'a du shit, des t-shirts sur la tête. Oh là là là, elle est belle, elle est bonne. Elle m'envoie des snaps, elle twerk sur mon téléphone. DTFIGD qui veut nous éteindre, on brille ma gueule. J'suis dans le box, toujours coupable. Hurricane Carter, j'ai pas la gueule de l'emploi. Dans le crime, je m'emploie. J'fais que mouler ma moula. QLF demande pas pourquoi. Sourou gang, fuck tes rêves si t'as pas de ralice. T'es soi-disant pas de velet de calife à la place du calife. Ça fait rarara. Si tu touches à la mif, t'as voulu voler mon pif à peu portant. Ça fait rarara. Ça allume dans le tchekar, les capots qui les passent en tchèque. Ça fait rarara. A tous ceux qui m'ont pas aidé, la retourne espèce de PD. Ra, ra, ra. Ça fait rarara. Tu sais les hommes, ils gossent retraite. Suffit d'une chatte pour voir poteau faire le lâche. Parle pas de grosse somme devant les hyènes. T'as joué le bandit, t'as fini dans ma cave. Ratatata, j'ai la haine, j'ai la poisse et la haine. Et je m'endors quand le soleil se lève. Et tatatata, reste à ta plage, j'ai de la soif à matin. Mais je t'offrirai pas de verre. Oh bitch, appelle-moi Kaiser Sosie. Igor mon cul, pas comme Sosa. Je relance derrière pour me défoncer. Sinon, à part ça, ça bug ou c'est cool ça. On veut la vie d'Aloca posée dans le hall. Les poches vides, mais les couilles sont dans son calme. Une feuille de la peur, un ton car va me chercher de la tease. Histoire que je me mette bien. DTF, IGT, gang, là, je suis au calme. Igo, je m'en bats les reins de ton vécu. Touche la mif, je te pète tes rotules. Igo, je m'en bats les reins de ton vécu. Touche la mif, je te pète tes rotules. Ouais, Igo, je vends la choca. Va dire à la concurrence que je les baisse. Ouais, ouais, faut les dollars. Posé dans le hall, pas avec les gosses, c'est la S. Ouais, ouais, c'est comment. On reste pas si on fout le feu dans la tête. Ouais, ouais, c'est comment. J'ai voulu briller, on m'a brisé mes rêves. Si tu touches à la mif, t'as voulu voler mon pif à peu portant. Moi je t'ai servi, tu fais chaud, c'est pas dans ma vie. La BA, si je l'ai défoncé, je veux de la moula, pas de ce pied. Je suis pas un Peugeot, je m'en pas te mettre un problème, ça va se régler. Et j'ai des kings, casse rouf, ouais, ça va chier. Gang de vikings, vous de victimes. Toujours en jean. Nous perdons à six. Prêt à prendre des risques. Le respect ou l'argent, je crèverai les poches vides. Je fais l'amour à mes barrettes, je suis le papa du shit. Illégal comme un pute dans le bâtiment, ça te débite. GDDTF, on va te mettre un gros coup de bite. Premier avis, premier fit, tu sens que je vais vite. Je sors de chez moi rien que pour l'argent. On m'a rien appris, je suis Léo Messi. Capi, je bled, je suis revenu comme un missile. Si tu touches à la mif, t'as voulu voler mon pif à bout portant. Ça fait rarara. Ça allume dans le tiers car les capots qui les parlent s'en tiennent. Ça fait rarara. A tous ceux qui m'ont pas aidé. Souvent de manque de bif, poteau fait faire du mal. On a arraché des sacs, on priait les mains sales. Moi j'ai du respect pour les vrais, la famille. Faut que j'oublie le passé, pour j'écris, je me régale. Tu bucraves, ne te chie, mais tu veux stopper. Terrain ne tourne pas, le bénéf part en fumée. Attaché à cette femme, tu comptais l'aimer. Tes rêves en poussière, vous deux, ça n'a pas duré. Moi je dis ce que je pense et je prends mes distances. C'est que j'ai du mal à donner ma confiance. Pour un bout de shit, certains perdent la raison. Je t'assure, le poids sera lourd dans la conscience. Tout me foire et les problèmes s'entassent. On veut la vie de rêve, les poches pleine de cash, j'suis comme un ouf et ma chance qui se ramasse. J'suis dans ma bulle, j'm'évade sous Kamas. Peut-être bien que l'autotune sert bien à faire des thunes. Finir le projet de balancer sur iTunes. RT Max vient te choquer, le son qui percute. Soit ça passe ou soit ça casse. Dans tous les cas, j'amortirai la chute. IGD dans ta face, on arrive en rafale. En rafale. Ça fait rarara. Si tu touches à la mif, t'as voulu voler mon pif à bout portant. Ça fait rarara. Car les capots qui les parlent s'en tiennent. Ça fait rarara. A tous ceux qui m'ont pas aidé. La retourne espèce de BD. Rarara. Ça fait rarara. C'est la nocturne. DTF. Featuring IGD dans la nocturne. Ça fait rarara. A tous ceux qui m'ont pas aidé. La retourne espèce de BD. Et PNL à écouter maintenant, l'album sort la semaine prochaine, le monde Chico, ça arrive. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Baiser dans la ville, c'est fils de pute, mais la fessée. Aisé, ouais, la mission ne le pif, on s'est encaissé. Demande pas un fit, on n'en fait pas, viens pas te baisser. Bien sûr, c'est Panama, alors tous les jours on est pressé. Si on remplit le frigo, on remercie le bout de ta gare. Sois le meilleur dans le crime ou à l'école, c'est ce qu'a dit Baba. Ego, c'est QLF, ceux qui connaissent ont chanté la la. La la, la la. Et si on sort la nerf, c'est puis on prend un polter. Je repense à l'époque, mon sorbet et ma pulterre. Mais bon, c'est la vie, j'espère qu'on jarte ta su terre. Tu veux être ma bitch, t'as un gros poule, c'est super. Ouais, l'ami, j'ai pas de respect, pas pourquoi t'avales. Trêve de pas l'y faire, à des mots en aval. J'sors un gros joint et puis je le pète dans la savane. C'est qu'on fond la queue, mais moi je pique grave la banane. T'es pas content, reste dans ton camp. Nous on charbonne pendant toi, tu tapes du bon temps. J'suis à fond de temps, t'inquiète,

Le goût du chiffre, le goût du risque. Qu'est-ce qu'on aurait pardonné? Pour le gang, pour son respect. Lequel on aurait pardonné? J'ferais le pire pour bâtir un empire. Suis les ordres, le cadavre et l'esthète. Je respire, je le mets dans ma tire et j'expire. Je repense au point où j'aurais pu rester. Trempé dans le sale, t'as des faiblesses. Faut que personne les ressente. Au fond de la succursale, assiégé à une table, dressant l'état des ventes. Grandi dans le centre, viens du vent sans le voulant, on va mourir ensemble. Arme dans le centre, forme différente, mais tu sais, nos fonds se ressemblent. On va pas se replier, on s'entretuera jusqu'au dernier homme, jusqu'au dernier denier. Vie dure et luxure, tire à bout, pourtant j'éclabousse le damier. Pourtant je suis debout depuis l'homme, sur le deux rouges pilote. Le bruit du Beretta précède les pilotes. Bang bang, bang bang, bang bang. Le bruit du Beretta précède les pilotes. Bang bang, bang bang, bang bang. Y'aura du sang sur les métaux, ça sera la fin de l'épisode. Bang bang. Tu craindras les teutés casqués. Dans ton connaît tes frères. J'crève en QHS, en HP. Crève dans mes locaux, mauvais payeur. Surveille ton langage, ne me parle pas comme si j'étais né hier. Lequel dans le crime est le meilleur? J'aimerais t'arroser dans ton bar. J'laisse une grenade au comptoir, tu sens plein les théères. On a trouvé les décors de la ville. Estimer le prix de leur vie. Démarrer des stories dans le vif du sujet, elles ont fini où j'vis. Mourir j'aime comme Daniel. Regarde ce qu'on a fait pour le chiffre. Prendre la ville à violer. Souffrir, shooter les soupirs. On va pas se replier. On s'entretuera pour l'honneur des nôtres. La mémoire de nos oubliés. Vie dure et luxure, courir après le temps. Rêver de figer le sablier. Pourtant j'suis debout depuis l'homme. Sur des rouges pilotes. Le bruit du Beretta précède les pilotes. Bang bang. Bang bang. Bang bang. Le bruit du Beretta précède les pilotes. Bang bang. Bang bang, bang bang. Y'aura du sang sur les métaux, ça sera la fin de l'épisode. Bang bang. C'est le reste. Côte. Bang bang. Bang bang. Putain. Bang bang. Gomara. Bang bang. J'suis attendu chez toi comme Don Pietro. Bang bang. Rap français. Jarod, monsieur Jarod. Rayonnons. Rayonnons. Dream comme un dingue depuis 2004. J'ai commencé à peaufiner mes flots dans la putain 9ème zone. Je traîne avec des rarities ou sinon des ratis. J'ai commencé à former un junkie dans ma soul dome. Tu connais mon histoire, petit mythoman. Fais attention à ce que tu vas raconter à tes gars sous whisky à pas de potes. Petit padawan, tu les feras plus fumer sur joint. Ils iront te dire à ton ennemi. Mon gars, va tu m'estimes, je te renvoie du respect. Tu me demandes ce qui va se passer, moi je crois qu'ils vont y rester. Bang bang, j'ai allumé tout le monde, t'es un fils de. Tu sais bien qu'on t'a démasqué. Va dire à ton monument et dira que j'suis un vrai motherfucking bulldozer. Il va se mettre à Mozart. J'ai le mort tous les jours et j'pense à comment faire plus d'oseille. J'vais taper les beaux-arts, mon gars va c'est Paris 19. Mais les watts, quand t'es posé sur le terrain y'a plus de stuff. Mais les voiles, tu veux faire des thunes dans le rap, mais voilà ref. T'as du mal, dans les clips qu'un gars va, j'veux pas la meuf, j'veux la maille. J'ai connu la rue, l'hôtel, les potes qui t'égale. J'ai de moins en moins d'amis, ok, y'en a plus pour one. Tu connais pas ma vie, ni mes envies, ni mes inimitiés. T'es tombé sur un os bon bof. Fais des gosses dans le dos, de la raclée à Sarko. Y'a des hommes en survêt et des zoulons en Starco. Elle ressemble à un fruit de mer, va le dire à ta Pinto. Elle a mis trop de fond de teint, se prend pour Sophie Marceau. Ou Rihanna ou Rihanna. Wayano, Cyrano. Mon ami, rien. Mon gamin, y'a pas de bœuf. Mon lança, y'a pas de fake, le style rayonne. Mon gamin, tu fais le bœuf. Le poteau est sous le ciel, ton style rayonne. Rayonne. J'suis à fond, quoi de neuf, ma rue. T'as une tête de saumon et tu fais la malle. Tu connais les bails, on parodie le mille la vie. Y'a qu'un homme de fer, on l'appelle Staline. Pas le temps de chat quand tu vois le T-Max. Va écouter les frappes, un neuf passe ton stade. J'immobilise le ballon, vous nous faites pas de passe. Vas-y, bouge ton corps, t'as entendu la basse. Raconte ta vie dans la jet, envoie une jet. Pour moi, il faut snapper. Ça y est, t'as rasé ta classe. Maintenant, tu fais le test, tu fais les partous par terre. J'ai sur Snapchat, et filme sa chatte. C'est quoi le concept? Tu veux mater mon trou de balle? T'as un périmètre large, t'es mal marquage. Passe la ligne, j'te fais un nouveau style. Malgue ma salle, il fait une crise pour t'égraler, putain d'alle. Il sent la détention, il se dit, j'vais le donner. Il a plus de capital, il se dit, j'mets une carotte. J'veux pas de ta graille, Zoulou, j'suis un chasseur. 19ème, on fait du wally, non, y'a pas de casseur. Entouré de serpents, la rue te laissera seul. Genre de mecs qui font la bise après, ils baissent ta sœur. J'suis un putain de choc, j'm'inspire, franchement, du mal. Y'a brave à l'avant, le panorama comme ça roumane. Tu connais les bails, on arrive en équipe, ça finit mal. Pose ton boule dans la job, j'suis à fond, quoi de neuf, Marvin. J'suis à fond, quoi de neuf, Marvin. T'as une tête de saumon et tu fais la maline. Tu connais les bails, on parodie les mines, la ville. Rien non. Y'a qu'un homme de fer, on l'appelle Staline. Rien non. Mon ami, rien non. Mon gamin, y'a pas de bœuf. Mon lança, y'a pas de fake, le style rayonne. Mon gamin, tu fais le bœuf. Le poteau est sous le ciel, ton style rayonne. Rien non. J'suis à fond, quoi de neuf, Marvin. T'as une tête de saumon et tu fais la malie. Tu connais les bails, on parodie les mines, la vie. Y'a qu'un homme de fer, on l'appelle Staline. Rayonnant. Jarod dans la nocturne 100% rap français. Jarod qu'on va retrouver avec Swift Gad maintenant. Avant d'écouter du Giorgio aussi dans la nocturne. Planète rap. 100% rap français. À l'aise, Swift Gad. Jarod. C'est la nocturne, c'est 100% rap français, j'espère que tout va bien. Continue à balancer des messages, on est bien ce soir. C'est encore les vacances pour certains, ça se prolonge le week-end. En plus on change d'heure ce week-end, tranquille, oh là. Attention car ton sang fera des éclaboussures. Pour des petites coupures, si tu fais de l'autotune, pourquoi pas de la couture? Y'a de la haine à ma gauche, y'a de la haine à ma droite. Pas d'argent dans les poches pour l'avenir de mes proches, la France est maladroite. Elle me dit qu'elle est chaude, qu'elle échappe, qu'elle est chienne. Elle me dit que mon rap pourrait casser des chiennes. Qu'elle est sale et vénale et que la cour d'assises pourrait chasser mes rêves. Taf bien et crève, les parents s'amusent et les larbins décèdent. Des parpaings, des hyènes, Adam va brûler le jardin des Delta. T'as vécu entouré mais tu vas crever seul. T'iras toucher des petites comme Dr. Huxtable. Elle est folle mon équipe, elle se bat mais casse des gueules. Sans sucer des bites, elle te donne du high level. Fais tourner ton kamaz, goûtons les fleurs du mal. Ce soir je serai dans le gaz, comme le dormeur du Val. J'suis à l'aise comme Taylor sur le ring. J'suis à l'ouest, mon gars va sort la dope. J'suis à l'aise, mon ami sort le jean. J'suis à l'aise, mon ami sort. avec les potes, on est foncé. Gava, lève ton verre si t'es des notes. J'suis avec mes amours, on est posté. On est à l'ensemble pour la cause. Les bienveillants s'endorment et les malveillants prospèrent. Aujourd'hui, le mot donné, c'est synonyme de grosse perte. J'aime ça quand la résine se diffuse dans les brossaires. Demain, j'irai poser mon petit cul dans les hautes sphères. Ici, les hommes sont pâles. Encore un choc frontal. Du coup, toi, tu te sens bien. Que quand les autres vont mal, fais tourner ton kamaz. Goûtons les fleurs du mal. Ce soir, je serai dans le gaz. Comme le dormeur du Val. Peu d'importance pour ceux qui veulent du mal. L'ambiance est hale jusqu'à 6h du mat. Viens prendre ta fessée, viens voir le père Fouettard. Viens pour apprécier le mix des frères Pétard. Marre des steaks et des paquets de pâtes. Ma gueule, il faut qu'on se barque et part. Claque cette maille et ne t'inquiète pas. C'est Swift et Jarod qui se tapent des barres. Je suis à l'aise comme Taylor sur le ring. Je suis à l'ouest, mon gars va sort la dos. Je suis à l'aise, mon ami sort le jean. Je suis à l'aise, mon ami sort le jean. On est à l'ensalem pour la cause. Je suis avec les potes, on est foncé. Gava, lève ton verre si t'es des no. Gava, lève ton verre si t'es des no. Je suis avec Nervous, on est posté. On est à l'ensalem pour la cause. Je suis à l'aise comme Taylor sur le ring. Je suis à l'ouest, mon gars va sort la dos. Je suis à l'aise, mon ami sort le jean. Je suis à l'aise, mon ami sort le jean. On est à l'ensalem pour la cause. Je suis avec les potes, on est foncé. Gava, lève ton verre si t'es des no. Gava, lève ton verre si t'es des no. Je suis avec Nervous, on est posté. On est à l'ensalem pour la cause. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Hein. Yo. Hey. Je regarde le temps qui file, violent comme une arme blanche. Tout ce que j'ai senti venir, cette dépression qui me hante, impossible que je l'anticipe. Chaque année, je me crois sorti du trou. La tête ailleurs, je me sens devenir homme. Puis passer l'été, c'est pas gagné du tout. Pour moi c'est le tout début, paraît que mes couplets tuent un sourire comme première barrière. Au fond je suis plus complexe qu'une poupée russe. J'ai plus envie de manger ni de me bourrer la gueule. Rien à foutre d'avouer que je suis dépressif et assumer le côté rappeur. L'espoir c'est remplir son cœur de fausses promesses. Tu veux que je sois positif, l'anorexique elle joue les top modèles. Le monde y prend un couille, c'est pour ça que je sors plus de chez moi. J'ai envie que la terre tourne, sans être dans ses plans ni son cinéma. Mes potes peuvent pas comprendre à quel point j'aime me retrouver. Comme un gosse de 3ème qui vient de redoubler. Pourtant avec eux j'ai parcouru Paris sur toute la nuit. J'ai une vingtaine de frères dans le cœur, mais des fascistes pareil, des groupes d'amis. C'est comme ça que je me protège, parce que plus personne me comprend. Entièrement depuis le collège, mes frères sont sur des échasses. La tête dépasse les nuages de la rue. C'est nous, on abuse de nos principes, des mirages de la rue. Peu importe ce que les gens me disent, on s'entretue mes pensées. Moi j'ai la santé, n'est-ce pas, mais le ventre vide. Plus envie de manger, mais faut tenir, j'ai pas le choix. Pas le droit de me relâcher, hey. Un seul nuit pleure chaque soir, mes larmes de fatigue sur le péché. Mes insomnies m'auront pas, mais pour l'instant elles n'ont pas cessé. Mes insomnies m'auront pas, mais pour l'instant elles n'ont pas cessé. Mes insomnies m'auront pas, mais pour l'instant elles n'ont pas cessé. Mes insomnies m'auront pas, mais pour l'instant elles n'ont pas cessé. Et toi, tu peux m'empêcher de croire, mais pas de penser. Et tu le sais que détester me voir me met en danger. Tu peux m'empêcher de boire, mais pas d'y songer. Te savoir pleurer dans le noir me donne des raisons de crever. On m'a offert la vie, je vais pas la rendre avec une balle dans le cœur. J'ai pas le temps de pleurer, ma musique prend de l'ampleur. Y'en a combien qui ont ma chance, combien qui se battent pour la voix. Et moi, non, j'ai jamais fait ça pour la maille. Tu peux pas douter mes problèmes, possible qu'un jour j'écrive des poèmes. Pour l'instant, bah je manque de tendresse solide. Tu peux pas douter de mon envie d'exister, de baiser la routine de manière bestiale. Car je suis devenu son esclave, des fois j'ai plus d'inspiration. Je me sens même pas vivre, ça met les nerfs à vivre. Là j'ai trop de trucs à dire car j'ai aimé, ouais. Plus de patates dans les murs, je me suis battu dehors. J'ai perdu la raison, non, mais comme j'ai pas de thunes, j'ai tort. Peu importe ce que les gens me disent, on s'entretue mes pensées. Moi j'ai la santé, n'est-ce pas, mais le ventre vide. Plus envie de manger, mais faut tenir, j'ai pas le choix. Pas le droit de me relâcher, hey. Un seul nuit pleure chaque soir, mes larmes de fatigue sous le péché. Mes insomnies m'auront pas, mais pour l'instant elles n'ont pas cessé. Mes insomnies m'auront pas, mais pour l'instant elles n'ont pas cessé. Mes insomnies m'auront pas, mais pour l'instant elles n'ont pas cessé.

Shibuya. Connecté aux piliers de LA jusqu'à que New York. Voyage en avion, on a pris un billet. On a fait le show et on a pris un billet. Ça c'est pour les miens, nos destins sont liés. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Et y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. On veut se mettre bien, rien ne sert de nier. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Y'a que quand je suis premier que je reste à ma place. Et y'a que quand je suis premier. Nocturne sur le son de Nekfeu, à l'instant Nekfeu en tournée dans toute la France, hein. Vous sortez peut-être du concert, enfin il y a quelques heures déjà, mais vous n'arrivez pas à redescendre des concerts de Nekfeu, c'est normal. Nekfeu, toutes les dates sont sur skyrock.fm pour le retrouver près de chez vous. Nekfeu qu'on écoutait à l'instant. Pour conclure cette nocturne ce soir, rencard dès lundi 20-21 avec Niro qui débarque et son album à découvrir, c'est toute la semaine prochaine sur Skyrock. Passez une bonne nuit, bon week-end. N'oubliez pas, demain à la même heure, on changera d'heure à peu près. À 3h, il sera 2h, donc une heure de sommeil en plus. C'est pour ce week-end. D'ici là, bon week-end, bonnes vacances à vous tous. Et rencard lundi, ciao. Rap et R&B. Non-stop. Non-stop. Skyrock.